Cette semaine, Apolline de Malherbe reçoit Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. BFM Politique, tout à l'heure 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien aujourd'hui en France et RMC. Et oui, c'est l'heure de la météo sur RMC avant d'en trouver le week-end des experts. La météo, c'est avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy, c'est toujours la canicule? Bonjour François. Eh bien oui, encore la chaleur au menu de cette journée. Pour l'instant, on est plutôt du côté des orages quand même ce matin. C'est le cas, quelques averses orageuses se poursuivent actuellement de l'Aquitaine au Poitou. Elles vont se décaler, ces averses orageuses, au cours de la matinée du nord du Midi-Pyrénées au nord-est du pays. Ce temps instable va persister tout au long de la journée et se poursuivre de l'Auvergne à l'Alsace. Les orages pourraient être forts localement, accompagnés de grêles, notamment dans le nord-est. Dans l'ouest du pays, de la Belgique aux Pyrénées, le ciel reste chargé et pourra donner quelques gouttes de pluie. Des averses beaucoup plus importantes sont attendues, notamment sur les reliefs. Du nord au Limousin et au Poitou, ciel variable avec de belles éclaircies attendues, notamment dans le sud-ouest. Et enfin, dans le sud-est, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Les températures, eh bien, elles sont encore supérieures aux normales de saison ce matin. Elles varient déjà entre 15 et 23 degrés. Il fait par exemple 21 degrés en région parisienne. Dans l'après-midi, ça reste chaud en Alsace-Lorraine ou encore en Provence, où l'on attend 30 à 35 degrés minimum. L'air est plus respirable ailleurs. On attend entre 19 et 26 degrés sur la Bretagne, 24 à 30 sur le reste du pays. Il fera par exemple bien 26 degrés à Lille, 29 à Paris, 32 à Marseille et Bastia, 33 à Lyon et 35 degrés à Bordeaux ou encore Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC, avec à 14h Formule 1, départ du Grand Prix de Belgique, 15h Football Ligue 1 Bordeaux-Nantes, 17h Saint-Étienne-Toulouse et Première Ligue anglaise Manchester City-West Ham et à 20h45 le choc Monaco-PSG. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans un instant, le week-end des experts sur RMC. Il est 6h et à 6h, toute l'actualité, c'est avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Dernière nuit de chaleur, fin de l'épisode de canicule. Donc dans les prochaines heures sur la majorité du pays, une canicule toujours aussi pénible mais de moins en moins meurtrière. Juppé contre Sarkozy, discours de rassemblement sur la forme et d'attaque plus personnelle sur le fond. Le maire de Bordeaux a fait sa rentrée politique. En football, le cauchemar de Lyon. L'OL s'est fait battre hier après-midi par le promu Dijon. 5 jours que l'on attendait cela. Enfin, le mercure devrait baisser. À partir de 10h, Météo France ne devrait plus classer de département en alerte orange, sauf peut-être sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Des systèmes d'alerte qui fonctionnent de mieux en mieux. Patrick Peloux est le président de l'Association des médecins urgentistes. Pour lui, nous avons fait de gros progrès dans la manière d'appréhender ces épisodes de canicule. Le scénario est différent de 2003 où on ne connaissait pas et où la population ne savait pas les risques de la canicule. Donc il y a eu une éducation en 13 ans qui est quand même assez considérable et on a une société qui a appris finalement à gérer ces conséquences du réchauffement climatique. Il y a en effet des personnes qui continuaient quand même à faire du sport en pleine chaleur qui ont été victimes de malaise. Il y a eu des personnes avec un petit peu plus, bien entendu, d'infarctus de myocarde, d'embolie pulmonaire, de phlébite, mais on n'est pas sur les mêmes proportions que la canicule de 2003 ou celle de 2006. Patrick Peloux avec Juliette de Noyel. L'un au Touquet, l'autre à Chatou. Nicolas Sarkozy était au campus des Jeunes Républicains dans le Nord, alors qu'Alain Juppé était dans les Yvelines pour sa rentrée politique. Le maire de Bordeaux a redit son opposition à une loi sur le burkini, réclamée en revanche par Nicolas Sarkozy. Pour autant, le chouchou des sondages n'a jamais prononcé le nom de son principal adversaire, Stéphanie Collier. Exactement, et hier, devant ses partisans, Alain Juppé a fixé les règles du jeu. Je n'ai pas l'intention de faire campagne contre les autres candidats. Je vous demande d'adopter la même attitude. Mobilisez-vous sans attaquer les autres candidats avec lesquels nous devrons aborder le combat de la présidentielle. Aurélie écoute, Alain Juppé a raison, dit-elle, même si elle s'attend à une campagne très dure. Certains n'hésiteront pas à donner des coups très forts et il faudra penser les plaies, je pense, de se rassembler derrière parce que sinon, on fait le jeu des adversaires. D'autres partis

Renaud Lavillonie au micro de François-Xavier de Châteaufort. RMC, il est 6h08. Tout de suite, François Sorel, les experts. Mais avant, un détour par les champs de course, François. En effet, Claire, et un tiers écarté Quintet Plus cet après-midi à Deauville. Sébastien Narras fait confiance au 14 Valdaya et au 16 Feel Alive. Brahim Asloum, lui, nous conseille le 3 et la Diva. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As London Protocol et le 6 Zapper Cass. Le 14, le 16, le 3, l'As et le 6. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h09, c'est RMC et c'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Quel plaisir de vous retrouver. Et oui, c'est la rentrée pour le week-end des experts. Nous étions hier avec Patrick Mulan et Christian PC pour le jardin et la maison. Tout à l'heure, bien sûr, on reprend les bonnes vieilles habitudes avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour l'automobile entre 8h et 10h. Et avec Jean-Luc, on reviendra sur le permis de conduire. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour conserver son permis de conduire, c'est de plus en plus compliqué. Eh bien, nous recevrons un avocat qui nous dira comment le conserver le plus longtemps possible. Voilà. Et puis, on évoquera aussi les nouveautés de la rentrée, l'essai de la semaine. Ça sera l'Audi Q7 e-tron et plein d'autres bonnes choses comme vos questions. Ce sera à partir de 8h. Mais en ce dimanche matin, 28 août 2016, elle est à mes côtés, plus rayonnante que jamais. C'est notre veto. Qui sait ? Le veto. Forcément. Forcément. Parce qu'elle avait perdu l'habitude de se lever tôt. C'est vrai. C'est notre vrai. Vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver après plaisir cet été. Partagé, c'est vrai Laetitia. Ça s'est bien passé les vacances ? Très bien, bon. Très bien. À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Vous étiez à Bali pour tout. Voilà, alors voilà. Pour tout vous dire, j'ai nagé avec des raimentas. Ah, et alors ? Ça va ? C'est sympa les raimentas ? Amazing. Amazing. Amazing. Ah, oui. Oui, parce que Laetitia a un accent anglais un peu mais particulier. Mais bien sûr. C'est complètement Moi, je suis francophone. Hein. Eh bien, on va passer 2 heures ensemble, Laetitia. Et ça sera comme ça tout au long de cette année. Vous le savez, votre rendez-vous animaux, le seul rendez-vous animaux de 2 heures que vous pouvez retrouver sur une grande radio française. Eh bien, c'est sur RMC. Et notre vétérinaire attend vos questions. On va retrouver d'ailleurs Yvette dans un instant. Et vous pouvez joindre Laetitia au 3216, petit bobo avec vos animaux. Comment ça s'est passé durant ces vacances? Bref, une petite consultation par téléphone. Ou alors pour témoigner, pour nous raconter de belles histoires que vous avez vécues peut-être avec votre animal de compagnie durant cet été, le 3216 ou animaux@rmc.fr. Laetitia, au menu de ce rendez-vous. Alors tout à l'heure, le quiz de la vie privée des animaux, bien sûr. Bien sûr. Et puis à partir de 7h, nous parlerons. Alors d'abord, vous savez que demain, c'est une mobilisation internationale contre le transport des animaux. Alors des animaux, bien sûr, de ferme, de rente. Ça a lieu dans plus de 40 pays. Alors on parlera justement avec une association, le CIWS, pour savoir pourquoi il y a cette mobilisation. Ensuite, on parlera de la nuit des chauves-souris. Ah, alors attendez, c'est parce cette que là, semaine, c'est ce week-end, pardon. Moi, j'ai regardé là, en venant à la radio, j'en ai pas vu une seule. Ah bon, pourtant, elles sont pas encore en train de dormir. Hein, c'est pas encore. Mais elles étaient toutes au courant que c'était leur nuit là. Ben oui, normalement, ben ouais. Normalement. Alors moi aussi, j'ai regardé, il y en avait pas, mais il y en a peut-être très peu à Paris, mais un peu plus en province. En tout cas, ben voilà, on va vous les faire aimer parce que c'est les mal aimés. Et pourtant, d'abord, elles ne sont pas dangereuses et ensuite, elles sont indispensables à la nature. Bien sûr. Et puis ça mange les moustiques, les chauves-souris. Et oui. Je crois bien. Et bon, oui, on en parlera tout à l'heure. Nous aurons un spécialiste des chauves-souris. Et puis Laetitia, on reviendra sur les Jeux Olympiques pour fêter quand même l'extrême bonne performance quand même dans le domaine de l'équitation. On a cartonné là-bas. Hein. Et oui, nous avons eu 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Vous vous rendez compte ? Voilà. 3 médailles d'un coup, bim. Et le concours complet, qui est une discipline équestre, a quand même donné la première médaille d'or à la France, suivie après de la médaille d'argent, puis après la médaille d'or en saut d'obstacle par équipe. Et nous aurons un des médaillés d'or qui s'appelle Kevin Stott, qui est un de l'équipe qui a gagné la médaille d'or en saut d'obstacle. Et nous recevrons aussi la responsable de l'équipe de France à Rio, que nous avions reçue d'ailleurs. Exactement, juste avant les JO. Voilà, qui nous expliquait comment transporter justement les chevaux de la France à Rio. Et on lui avait demandé aussi si la France avait ses chances à Rio. Et elle avait été un petit peu évasive, bien entendu, par superstition. Ben voilà. Et ben voilà. On pourra crier sa joie tout à l'heure. Exactement. Voilà, c'est un beau programme que nous vous proposons. Bienvenue, nous sommes en direct. Bien évidemment, vous pouvez nous joindre dès maintenant au 3216 animaux@rmc.fr par mail. N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. C'est parti donc, et nous accueillons Yvette tout de suite. Bonjour Yvette. Bonjour à vous deux. Bienvenue. Bonjour Yvette. Yvette. Je suis contente de vous retrouver. Mais c'est un plaisir partagé. Partagé, bien sûr. Moi, je voulais vous parler d'une piche. Oui, parce que je crois que vous avez eu une pie dans votre vie. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu une pie dans leur vie. Formidable. Mais voleuse, comme c'est pas possible. Enfin, il y a les vaches aussi qui ont des pies, mais c'est pas les mêmes. Oui, d'accord. Mais comment elle est arrivée dans votre vie, cette pie? J'étais toute gamine, c'était un camarade d'école. Qui, je ne sais pas s'il l'a déniché ou s'il l'a trouvé par terre. Elle était toute petite. Oui. Alors, il me l'a donné. Donc, à la maison, bon, c'est tout pour animaux. Hein. C'est toujours été comme ça, un grand-père formidable qui domestiquait tout ce qui lui tombait sous la main, quoi, faut dire. Et il a eu domestiqué des merles, des geais, enfin. Bon, mais là, cette pie, alors nous l'avons, donné la béquille. Et puis, alors, on le faisait qui parlait, Marco, viens, Marco, va-t'en. Et bon, ben, elle est devenue adulte. Oui. Hein. Et puis un beau jour, ben elle aussi, elle nous a dit Margot. Et puis je vous assure qu'elle parlait d'une façon incroyable. Les pies parlent. Oui. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que les pies parlent. Et vous savez que pendant des siècles, la pie a été un animal domestique dans certaines familles en France et en Europe et dans d'autres pays, où justement on essayait de leur apprendre à parler. Mais comme un perroquet. Exactement. Alors, tiens, c'est pas autant qu'un perroquet. Oui, mais ça n'a pas autant de facilité qu'un perroquet. Mais on peut arriver à leur faire prononcer les mots. Comme les corvidés, les corbeaux, etc. On peut les faire parler. Hein, et dit certains mots. Et là, vous témoignez bien sur le fait que votre pie disait Margot, c'est ça? Margot, alors quand elle était en colère, elle nous faisait Margot, va-t'en. Cette chose, elle nous faisait Margot, viens. Tiens, c'est étonnant ça. Ah, mais c'est... ah oui, oui. Et puis alors, les enfants, quand il y avait des enfants, c'est bruyant, ça crie. Oui. Elle se mettait à côté, ouais, ben, elle allait presque les attaquer. Et alors faisait Marco, va-t'en, va-t'en. Automatiquement, les enfants, plus elle criait ça, plus ils criaient, et elle, plus elle criait. Mais elle n'était pas que par là, elle était coquine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, quand une femme, elle l'a fait une fois, ça, étendait les draps dehors. Oui. Elle allait dans une mare de boue. Oh non. Et elle marchait sur le fil et elle marquait ses pattes. Et quand ça marquait plus, elle l'a fait qu'une fois. Hein. Elle retournait à la boue et elle revenait sur le drap et elle remarquait ses pattes. Ah, je pense que c'était une artiste. Elle voulait dessiner quelque chose sur les draps. Elle était très contente. Yvette, on dit souvent que les pies sont intelligentes. Vous l'aviez remarqué? Oh, elle était très intelligente. D'accord. Elle volait aussi, c'est ça? Elle était libre, oui. Elle était libre dehors. Elle mais volait dans le sens... Elle volait, c'est-à-dire... Elle dérobait. Elle chipait, quoi. Et bon, mais elle venait, quand on était à table, elle venait se poser sur les épaules de mon grand-père. Ah, d'accord. Elle lui caressait les oreilles, et puis au bout d'un moment, elle lui faisait « Margot, viens !» pour qu'elle lui donne quelque chose à manger. Alors, lui, à la maison, c'était ça. Il donnait un peu aux chiens d'un côté, aux chats de l'autre... Et elle a pis sur l'épaule. Et elle n'avait ni peur du chien, ni peur du chat. Le chien de la maison, le chat, elle n'a rien, eux non plus. Hein. Mais oui. Et est-ce qu'elle dérobait les choses? Est-ce qu'elle dérobait des objets? Quand ma grand-mère cousait, il fallait qu'elle rentre le dé. Si elle se levait, il fallait lever le dé parce qu'elle ne le trouvait plus en revenant. C'est dingue ça. Et puis ça n'avait pas besoin de briller. Elle a volé le tabac du voisin là, qui était en train de réparer son mur. Ben, elle est venue, elle y a volé le tabac. Puis après, elle est venue, elle y a volé elle y a volé le briquet. Oui, c'était une pie fumeuse en plus. Ouais, ça, tout, il n'y avait pas que le feu. Et alors, je veux dire que cet homme était tellement furieux qu'il lui a dit, tiens, viens chercher la pipe. Mais elle était sur le toit, puis là-haut, elle faisait « Mais... va-t'en, va-t'en !» Mais c'est vrai que la pie est un oiseau kleptomane, hein, on peut le dire, hein, qui vole. Alors, pas forcément les diamants, parce que ça, c'est aussi une idée reçue, comme quoi la pie vole des diamants ou des bijoux qu'on retrouve dans son nid. Ça, on a fait des études. Figurez-vous qu'il y a quand même des chercheurs qui ont fait des études pour savoir si les pies volaient les diamants, quoi. Ouais. Et résultat des études, elles ne volent pas plus de diamants qu'elles ne volent d'autres choses. En fin de compte, dans la nature, quand elles sont pas au contact de l'homme, elles peuvent voler des proies à d'autres prédateurs, d'accord, par exemple. Ouais. Ça, elles savent faire. Quand elles sont en contact avec l'homme, elles aiment bien voler des choses. Alors, on pense que c'est peut-être pour marquer. Alors, si elles le ramènent dans leur nid, c'est peut-être pour marquer leur supériorité par rapport à d'autres pies. On ne sait pas trop. Ou peut-être parce qu'elles se trompent et les objets qui brillent ressemblent peut-être à des insectes, peut-être, vous savez. Peut-être que c'est ça. Mais on sait que vous avez parlé d'intelligence. Vous savez que la pie fait partie des seuls animaux qui a bien fait le test du miroir. Oui. Elle a conscience qu'elle se voit dans le miroir. Exactement. Elle a une conscience de soi, que les grands singes, l'homme bien sûr, le dauphin et puis quelques oiseaux comme perroquets. Par exemple, les chiens n'ont pas conscience de ça. Non. Ça ne marche pas. C'est fou ça quand même. Alors, bien sûr, les chiens s'habituent à se voir dans le miroir, oui. Mais ils n'ont pas conscience. Ils ont conscience que c'est pas un autre chien. À aucun moment ils se disent c'est eux. Voilà. Ils n'ont pas réussi ce test du miroir. C'est incroyable. Et c'est vraiment. Alors, on sait aussi, on a fait des études sur le cerveau de la pie. Mmh. Elle a proportionnellement à sa taille un cerveau qui est très gros pour un cerveau d'oiseau. D'accord. Donc, ce qui prouve quand même son intelligence. Merci Yvette pour ce témoignage sympathique. Merci beaucoup. 6h19, Laetitia. On revient dans un instant. Le quiz de la vie privée des animaux. Vais-je être aussi intelligent qu'une pie? Je sais pas. La réponse dans une minute. Et puis, bien sûr. Aussi bavard peut-être, mais. Ça, c'est vrai. Attention, je ne vais pas voler vos diamants, Laetitia. Je ne vais pas vous permettre. Cela dit, je ne suis même pas sûr que vous en ayez sur vous. Non, mais justement, je prévois toujours le dimanche matin. Il va falloir changer de créneau pour que je pique vos diamants. Allez, on revient dans un instant, le 32-16, pour nous joindre et poser votre question à Laetitia. Tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Demain, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous demain dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot, demain à 15h dans 100% Bachelot sur RMC. Tout à l'heure à 18h sur BFM TV, c'est BFM Politique. Et cette semaine, Apolline Malherbe reçoit Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. BFM Politique, tout à l'heure 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien aujourd'hui en France et RMC. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le week-end des experts, c'est les animaux. Dans un instant, nous retrouverons Karine, Laetitia, qui va nous parler de son chien, visiblement. Mais auparavant, à 6h21, il est temps de nous plonger dans le suspense du quiz de la vie privée des animaux. Ah là là, ce petit générique que je n'ai pas entendu pendant quelques semaines m'a manqué beaucoup. Alors, vous savez que vendredi, c'était la journée internationale du chien. Et moi, je décernerai pour l'année 2016 le titre de ville du chien de l'année à Barcelone. Barcelone, donc ville de l'année pour les chiens. Oui, enfin c'est moi qui le désigne, mais je pense que voilà, elle est en lice quand même pour être la ville. Il y a de bonnes raisons. Du chien pour l'année 2016. Et pourquoi donc? Et j'ai donc trois propositions. Barcelone vient d'inaugurer un parc d'attractions pour chiens. Un parc d'attractions pour chiens, Laetitia? Ou bien, elle vient d'inaugurer une plage entièrement réservée aux chiens. C'est-à-dire entièrement réservée aux chiens. Il n'y a que les chiens qui peuvent y aller, pas les humains? Voilà. Non, mais attendez. Soit... Non, mais je peux venir avec mon chien quand même, ou il n'y a que les chiens? Ah, c'est pour les chiens. Je suppose les maîtres aussi. Mais c'est pour les chiens. C'est une plage pour les chiens. D'accord. Mais ça n'existe pas, ça. Elle vient d'inaugurer une piscine municipale réservée aux chiens. Voilà, une piscine municipale réservée aux chiens. D'accord. Mais là, comment ça se passe? Les humains peuvent y aller aussi? Ah bah oui, il faut regarder... Pour les accompagner. Bah oui, pour les accompagner. D'accord. Ils se noient pas. Donc par l'attraction, plage réservée aux chiens ou piscine réservée aux chiens. Barcelone, bien joué. Quand même. Bien. Il n'y a qu'une bonne proposition là, Tchatia, bien évidemment. Ça serait bien d'avoir les trois, mais bon. Ouais, ça serait pas mal. on rêve. Bon, en tout cas, ça pourrait peut-être inspirer d'autres villes. Exactement. Si vous avez une petite idée, parce que moi, franchement, là, je suis complètement perdu, vous pouvez m'aider avec le mail animaux@rmc.fr et me donner votre version des faits. N'hésitez pas, animaux@rmc.fr et la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux dans un instant. Karine, bonjour. Bonjour, les médaillés olympiques de la bonne humeur. Oh là là, ça s'est bien balancé, Karine. Ah, ça c'est super, merci Karine. C'est gentil. C'est Je ne sais pas dans quelle discipline nous pourrions évoluer avec Laetitia. La bonne humeur. Oui. Et aussi, vous avez un pouvoir de magicien, vous nous faites aimer la rentrée. Ouh, alors ça, c'est. Ça, c'est bien, hein, Karine, là. Ça, franchement. Là, vous avez la médaille d'or de l'auditeur aujourd'hui. Ah hein. Oui. Là, Karine, bien joué. Alors, moi, j'ai une question, justement, estivale. Oui. À savoir, un petit problème au niveau des poils de mes loulous. Ils vivent en particulier souvent sous les pins et qui produisent, vous savez, la résine, la fameuse résine. Oui. Et j'aimerais savoir comment on peut éradiquer sans leur faire mal ce problème parce que ça leur colle les poils. Alors, bien sûr, je pourrais couper, mais enfin, à force. Oui. Il n'y aurait plus beaucoup de poils. Vous avez des chiens, hein, c'est ça, c'est des chiens. Exactement, oui. Vous avez quoi comme chien ? Des huskies, des chiens de traîneau, des huskies. Ah, d'accord. Ah, oui, en plus des huskies. Oh là ! Alors là, pour enlever la résine. Voilà. Parce que le problème, c'est que, voilà, il y a des produits qui enlèvent la résine, mais c'est des produits toxiques. Voilà. Donc le chien, s'il se lèche ou si ça passe la peau, ça peut intoxiquer le chien. Donc. Le raser ? Non, on va pas raser le chien. Moi, ce que je dis toujours aux personnes qui ont des problèmes avec des chiens qui vont comme ça sous des arbres où il y a la résine ou qui ont des chiens qui prennent pas mal de d'herbes folles, etc. dans les champs, c'est de mettre un t-shirt au chien. Vous voyez, mes t-shirts XL hein, pour vos skis, pour que justement le poil soit protégé. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vu des propriétaires de chiens qui avaient cousu le t-shirt, enfin ils avaient pris un vieux t-shirt et ils l'avaient mis vraiment à la taille du chien et c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Et si est-ce que c'est grave de le laisser en fait? Parce que finalement je me dis peut-être que le mieux c'est parce qu'ils en ont pas partout, c'est un petit peu comme ça. Est-ce qu'on peut laisser? Bah oui, c'est pas quelque chose qui est toxique hein. De toute façon, vous pouvez le laisser, c'est juste esthétique hein. Après voilà, après il se roule dans quelque chose, peut-être que la résine va faire que il y a du sable, des saletés dans le poil, mais ça va partir à un moment, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas joli quoi. Non, c'est vrai, c'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Après ils vont pas le l'ingérer, la résine, ils vont pas l'ingérer, c'est pas comme des chats qui dès qu'ils sont un peu sales, voilà, se toilettent. Donc vous pouvez le laisser comme ça, peut-être couper un petit peu de poils pour enlever une grande partie de la résine, mais faites attention à tous les produits qu'on peut mettre sur le poil d'un chien parce que la peau du chien est une peau qui est très très fine par rapport à la peau de l'homme, donc ça veut dire que tout ce que vous mettez sur le poil voire sur la peau très vite va dans le sang hein, voilà. voilà, je parlais justement de la térébenthine, faites très attention, on a eu des chiens qui ont été rien que l'odeur ça peut les intoxiquer. D'accord. Alors avec la chaleur etc, la térébenthine, c'est invivable. Le chien, il a en plus un odorat qui est beaucoup plus sensible que le nôtre, donc il va être très gêné par ça. Qu'est-ce qu'il va faire votre chien? Il va se rouler après dans la boue pour enlever cette odeur de térébenthine. Donc, moi, je serais vraiment pas pour la térébenthine. C'est vraiment en dernier lieu, si vraiment il faut l'enlever, parce que... mais sinon, voilà. Laissez ou alors coupez, et puis mettez... Faites un t-shirt à vos chiens. J'avais une deuxième question. Oui, allez-y. Au niveau des coussins, justement, toujours par rapport à la chaleur, il a fait très chaud ces derniers temps, oui. Et donc ils se sont un peu craquelés, ils sont un peu secs. Est-ce que je peux utiliser la même pommade que je prends moi pour mes mains, pour m'hydrater les mains, et leur mettre dessus? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes produits que les nôtres? Alors, oui, mais prenez des pommades pour les mains sans parfum, le plus naturel possible. Et alors, je pense à une qui est une pommade norvégienne que tout le monde connaît. Le tube est blanc et bleu, c'est ça? Voilà, le tube est blanc et bleu. Et ben cette pommade, sans la nommer, est peut-être un miracle pour justement les coussinets des chiens. Donc j'en ça ai va mis hydrater les coussinets. Oui, et alors prenez celle qui est sans odeur, enfin la plus naturelle possible. En tout cas, faites aussi attention aux pommades où il y a des huiles essentielles. Alors on se dit, oh, bah, c'est naturel les huiles essentielles. Non, parce que les huiles essentielles, ça peut justement irriter les peaux, les coussinets des chiens. Donc évitez les huiles essentielles. Prenez plutôt cette pommade dont je parle. Ou sinon encore, allez voir votre vétérinaire. Et là, vous savez, des pommades qu'utilisent les mushers. Les mushers, c'est les conducteurs de traîneaux pour chiens. Mm-hmm. Et que vous connaissez peut-être parce que bah, vous avez des huskies. Voilà, c'est les pommades, vous savez, qu'on met pour les protéger de la neige, de la glace, et ben ces pommades-là peuvent être utilisées l'été justement quand les coussinets sont craquelés, quand ils sont secs, avec parce qu'ils vont sur le bitume tout simplement. Faites très attention d'ailleurs au bitume aujourd'hui. Hein, il va faire encore très chaud en France. Canicule, oui, ne sortez pas votre chien sur le bitume entre 10h et 16h de la journée. D'accord. Parce que ça brûle, les coussinets brûlent. Merci beaucoup Karine, on vous embrasse. Merci Karine. Et bonne rentrée à vous aussi. On revient dans un instant, Laetitia, la météo, les infos, juste le temps de se faire une petite photo qu'on va poster sur un peu partout. Hein, voilà. Voilà, sur Twitter, sur Facebook. Déjà, vous apprécierez le joli bronzage de Laetitia. Hein, et puis voilà. On fait ça et on revient dans un instant après la météo, les infos sur RMC 32-16 pour toutes vos questions. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Aujourd'hui, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Et c'est avec Jérémy Souliman qu'on fait un point sur la météo de votre dimanche sur RMC. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien après la chaleur et la canicule, place désormais aux orages avec un temps instable un petit peu partout. Des orages on en trouve déjà ce matin du Midi-Pyrénées au nord-est du pays. Ils vont se décaler ensuite en cours de journée de l'Auvergne à l'Alsace. Les orages pourraient être forts localement accompagnés de grêles, notamment dans le nord-est. Dans l'ouest du pays, de la Belgique aux Pyrénées, le ciel est chargé, pourra donner quelques gouttes de pluie, des averses beaucoup plus importantes sont également attendues sur les reliefs. Et puis du nord au Limousin et au Poitou, ciel variable avec de belles éclaircies attendues, notamment dans le sud-ouest. Enfin, dans le sud-est, le soleil est largement au rendez-vous encore aujourd'hui. Les températures, eh bien, elles sont supérieures aux normales de saison ce matin. Elles varient déjà entre 15 et 23 degrés. Dans l'après-midi, ça reste chaud en Alsace-Lorraine ou encore en Provence. On attend jusqu'à 30-35 degrés localement. L'air est beaucoup plus respirable ailleurs. Il fera par exemple 26 degrés à Lille, 29 à Paris et Ajaccio, 32 à Marseille, 33 degrés à Lyon et 35 la maximale attendue à Bordeaux ou encore Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, il est 6h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alain Juppé, pour sa rentrée politique, s'est présenté comme étant, je cite, « l'homme de la situation ». Il était devant ses soutiens à Chatou, dans les Yvelines. Durant son discours, il n'a jamais prononcé le nom de son principal adversaire, Nicolas Sarkozy. L'ex-président était lui au touquet devant les jeunes républicains pour un discours très offensif. Il a rappelé sa volonté de supprimer le regroupement familial, d'interdire le burkini sur les plages et le voile à l'université. Revenir aux fondamentaux de sa famille politique, voilà ce que préconise Marisol Touraine à François Hollande pour la présidentielle. Dans un entretien au JDD, la ministre de la Santé rappelle que la gauche doit s'engager sur des thèmes sociaux et ne pas faire de l'identité l'alpha et l'oméga de la campagne. Le beau-frère de Chérif Kouachi, mis en examen hier pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mourad Hamid avait été arrêté alors qu'il tentait de rejoindre la Syrie. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Enfin, un peu d'air frais, du moins un peu moins chaud. Le pic de la canicule est désormais derrière nous. Ce matin, plus aucun département n'est en alerte orange. Sur les routes, Bison Futé hisse, lui encore, le drapeau orange dans le sens des retours. 291 morts, dernier bilan du séisme qui a frappé le centre de l'Italie mercredi. 2500 personnes restent privées de toit. En football, suite de la troisième journée de Ligue 1 et le cauchemar des Lyonnais hier, l'OL s'est incliné face au promu Dijon. Résultat 4-2 et un joueur de moins pour l'OL, Alexandre Lacazette, s'est fait sortir sur blessure. Les autres autres résultats, un partout entre Nice et Lille, un partout également entre Montpellier et Rennes, victoire de Guingamp face à Nancy, défaite de Bastia qui jouait contre Caen 2-0 et Metz a gagné contre Angers 2-0 également. À suivre aujourd'hui le choc Monaco contre PSG et puis Bordeaux accueille Nantes et Saint-Étienne reçoit Toulouse. En Formule 1, Nico Rosberg partira cet après-midi en pole position sur le circuit de Spa pour le Grand Prix de Belgique. Départ à 14h. Pour l'instant, il est 6h, passé de 32 minutes et c'est le retour de François Sorel et des experts. Et de Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui est là, qui m'accompagne jusqu'à 8h. En compagnie de Laetitia Barlerin, on répond à toutes vos questions animaux. N'hésitez pas à nous appeler 3216. On est là dans une minute, à tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Laetitia, attention. Attention, attention, il est temps de retrouver la petite question flash. Et nous intéressons à la question de Nina que voici. Il fait très chaud, mon chien Labrador, Laetitia, allait en permanence. Est-ce que je dois le doucher de temps en temps pour le rafraîchir? C'est une bonne idée, Nina. C'est une bonne idée. Ben, vous savez que pour lutter contre la chaleur et diminuer la température de leur corps, les chats, les chiens ne peuvent pas suer comme nous. Hein. Ils ne nous suent pas. Voilà. Le chien allaite. Alors, il allaite, ça veut dire que quand il allaite, il diminue justement la température de son corps. Mais plus il fait chaud, plus il allaite jusqu'à saturation. Et à un moment, il ne peut plus vraiment diminuer cette température du corps. Du coup, il y a ce qu'on appelle un coup de chaleur. Donc il faut l'aider pour refroidir son corps. Donc d'abord, vous l'enfermez dans la maison, volet fermé comme nous. Hein. Vous le mettez plutôt dans des pièces où il y a un carrelage, parce qu'avec le carrelage, il va se rafraîchir. Vous mettez sur le carrelage des serviettes éponges, humides. Comme ça, il va se mettre dessus, il va avoir cette humidité et cette fraîcheur. Vous pouvez mettre aussi les serviettes éponges sur un étendoir, il ira en dessous, ça fera climatisation. Et puis, vous pouvez le baigner, bien sûr, pourquoi pas. Alors un bain, mais pas glacé, faites attention aussi. Vous pouvez utiliser des brumisateurs en mettant de l'eau sur les extrémités, hein. C'est ça qui va faire diminuer la température du corps, c'est-à-dire la tête et les pattes. Et puis vous savez qu'il existe dans le commerce des tapis réfrigérants pour chiens, c'est-à-dire que c'est un tapis où le chien s'allonge. Et le contact avec le corps fait que le tapis devient froid et ça ça c'est très bien aussi. Vous pouvez investir dans ces tapis. Très important aussi, on n'y pense pas, il faut qu'il boive. Donc, plutôt que de lui donner des croquettes sèches, mettez ses croquettes dans de l'eau. Comme ça, il va manger les croquettes et en même temps, il va boire, ce qui va bien sûr l'hydrater. Et puis, comme je disais, il ne faut pas le sortir entre 11h et 16h. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h35, un excellent réveil avec nous et puis surtout bon dimanche. Ravi d'être là, comme chaque week-end, vous le savez, c'est donc en compagnie de nos experts que je vous retrouve. Avec jusqu'à 8h notre veto, Laetitia Barlerin, le 32-16 pour la joindre, ou bien animaux@rmc.fr. La réponse à notre quiz de la vie privée des animaux, Laetitia, avec Barcelone, qui pourrait être carrément promue comme étant la ville qui aime le plus les animaux et les chiens. Hein? Et oui, parce qu'elle a inauguré quelque chose pour les chiens. Est-ce une piscine, une plage privée ou un parc d'attractions pour chiens? La réponse à ce quiz de la vie privée des animaux, n'hésitez pas à m'aider parce que je n'en ai aucune idée. animaux@rmc.fr, même si je commence quand même à avoir quelques indices, Laetitia. Hein, on va retrouver ça dans un instant. Mais auparavant, c'est Jacqueline que nous accueillons. Bonjour Jacqueline. Bonjour, je suis là. Et bien voilà. Et nous sommes ici. Bonjour Jacqueline. On est tous là. Voilà, je suis de Canet-en-Roussillon, donc je vous fais un petit coucou parce que j'ai besoin de vous en urgence là. Oh allez-y. Allez-y. Voilà. J'ai un petit chiot de 2 mois. C'est un berger blanc suisse croisé malinois. Ah, ça donne quoi? Il est blanc? Ça donne, comme dirait ma petite fille Laetitia, un chiné. Couleur chinée, d'accord, ok. Oui, ok. Oui. Ah bah vous nous envoyez la photo alors. Hein. Oui, j'ai essayé hier, mais ça ramait sur la page, oh là là. Ah bah oui. Cette saison dramée, hein, vous savez. Ouais. Non, ça ne fonctionnait pas correctement hier. Bon. Non, le souci, c'est que j'ai déjà une petite chatte de 4 ans. Oui. Qui, en fin de compte, on prenait toute ma vie parce que je suis toute seule. Oui. Donc, on dort toutes les deux, on joue toutes les deux. Et là, elle n'a plus le droit de rentrer à la maison parce que lui, effectivement, quand il la voit, il lui court après. Et impossible pour elle de rentrer dans la maison. J'ai fait les présentations une fois, elle dormait. Je pense que en la réveillant, elle a dû penser, tiens, elle me fait un cauchemar, celle-ci, parce que je lui ai mis le monstre devant elle. Oh là là, ce qu'il fallait pas faire. Donc, si vous voulez, maintenant, je suis obligée de la prendre sous le bras pour qu'elle mange dans une pièce à part. Oui. Mais elle ne rentre plus dans la maison. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'elle fugue et qu'elle ne revienne pas, parce que j'ai la sensation qu'elle pense qu'il la pourchasse. Bon, alors ça arrive, hein, ça arrive. Alors faites attention parce que j'ai vu des chats qui carrément ont changé de maison. Parce qu'ils se sentaient plus chez eux et qu'ils partaient. Bon, alors je veux pas noircir le tableau. Là, la réaction qu'elle a eue, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand bouleversement dans sa vie. C'est qu'un être, un autre être, est venu dans son territoire, c'est-à-dire votre maison, chez vous, et que cet être en plus qui est tout foufou, qui est plein de vie, lui court après et elle a géré ça, c'est nouveau et c'est pas évident pour un chat de gérer la venue d'un chien, surtout s'il n'a jamais vécu avec un chien. Donc elle sait pas s'il y a un danger ou pas un danger. Donc on va avoir un certain temps où elle va devoir s'habituer à la présence du chien, mais Jacqueline, il va falloir quand même mettre des règles concernant ce chien. Par exemple, il faudrait qu'il y ait au moins une pièce dans la maison qui soit interdite aux chiens et qui soit le refuge du chat. Alors, vous l'avez un peu commencé puisque vous lui donnez à manger dans une pièce, mais il faudrait en plus que cette pièce soit accessible de l'extérieur, donc fenêtre semi-ouverte ou chatière, pour que le chat vienne dans cette pièce et sache que c'est chez lui et que le chien ne va pas l'embêter dans cette pièce. Ça, c'est très important. Ensuite, les gamelles, faut les mettre en hauteur, enfin les gamelles du chat en hauteur. Et puis, concernant donc ce chien, moi, ce que je ferais, c'est que je lui laisserai une grande longe à ce chien. Et dès que le chat essaye de rentrer dans la maison et que le chien lui court après, je retiendrai le chien pour montrer quand même au chat qu'il peut quand même rentrer dans la maison. Après, ça sera à lui, dans la maison, de gérer ses relations avec le chien. Mais il faut au moins qu'il rentre dans cette maison, parce qu'après, il ira sur les meubles et il verra. Il va très vite voir, ce chat, qu'il a quand même un atout par rapport au chien, c'est qu'il peut sauter sur les meubles. Chose que le chien ne peut pas faire. Donc ça, c'est très important pour le chat de se sentir en sécurité, en refuge. Et petit à petit, ce chat, eh ben, il va en jouer du fait qu'il a cette supériorité de sauter sur les meubles et de narguer le chien. Donc il va le narguer et leurs relations vont changer. Pour le moment, il ne peut pas rentrer dans cette maison. Et c'est ça qui m'embête un peu dans votre cas, Jacqueline. Il faut faire en sorte que ce chat rentre dans la maison, retrouve ses marques dans la maison et après cohabite avec ce chien et peut-être ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Mais il faut qu'il rentre dans cette maison. Donc, évidemment, vraiment, une pièce qui est dédiée au chat, où le chat peut rentrer depuis l'extérieur par une fenêtre, par exemple, où le chien ne peut pas rentrer. Et dès que le chien course le chat, il faut arrêter le chien pour vraiment lui signifier et lui dire non, parce que le chiot comprend le nom, hein, pour lui dire non, ça c'est pas bien, on ne course pas les chats. Voilà, il faut que ce chat rentre dans la maison et faites tout pour que ce chat rentre dans la maison et retrouve ses habitudes. Oui, parce qu'elle ne monte jamais sur les meubles. Ah bah, il va falloir... C'est une petite chatte bien élevée. Ah bah oui, mais il va falloir lui autoriser à monter sur les meubles. Et il faudra même enlever tout ce qu'il y a sur les meubles. Oui, les bibelots, attention. Les bibelots, tout ça. Il faudra enlever tout ce qu'il y a sur les étagères. Il faut qu'elle ait des refuges en hauteur, cette chatte. Sinon, si elle n'a pas de refuge, elle va partir, Jacqueline. Oui. Même si elle vous aime, c'est juste qu'il faut qu'elle ait son coin à elle, où elle se sente en sécurité, chose qu'elle ne se sent pas aujourd'hui avec cette boule d'énergie qui vient d'arriver dans votre vie, bien sûr. Merci, Jacqueline, et on vous embrasse, on vous souhaite un bon dimanche. Dans quelques instants, nous aurons Jean-Noël, Laetitia. Et c'est très sympa parce que Jean-Noël en fait, vient d'accueillir un chaton. Ah, lui, c'est un chaton. Ça, c'est sympa. Ouais. Et donc, il aimerait avoir quelques petits conseils pour bien comprendre comment on accueille un chaton, quels sont les premiers gestes à faire, les traitements, etc., les vaccins, tout ça. On en parle dans un instant, mais auparavant, c'est la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux, les amis. Eh oui ! Eh oui ! Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Barcelone, qui serait pour Laetitia la ville faite pour les chiens. Eh oui ! Parce que, en tout cas, pour moi, je l'ai nommée la ville de l'année du chien. Eh oui, pourquoi ? Parce que Barcelone vient d'inaugurer quelque chose pour les chiens. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un parc d'attractions réservé aux chiens ? Est-ce que c'est une plage réservée aux chiens ? Ou est-ce que c'est une piscine municipale réservée aux chiens ? Le parc d'attractions, ça serait génial. Vous vous rendez compte ? Un petit parc avec plein d'attractions, rien que pour les animaux, ça serait chouette. Ah oui, ça manque. Hein. La piscine. Ça manque surtout pour les chiens citadins. Hein. Bien sûr, bien sûr. La piscine, c'est une bonne idée aussi. Ah bah surtout avec ces chaleurs. Hein. Oui, c'est ça. Une piscine où on pourrait aller se baigner avec son chien. Bon, alors peut-être que ça poserait des problèmes d'hygiène, je pense. Et puis il y a la plage. On est en plein été. Barcelone a de très belles plages au bord de la Méditerranée, etc. Je pense que ça serait pas mal d'actualité, ça, quand même. Et en plus, Laetitia, tous nos auditeurs... Ah. Tous nos auditeurs nous disent qu'ils pensent que c'est la plage. Laurence, par exemple, à qui on fait un gros bisou. Pierre, qui nous a aussi suggéré la plage. Et d'autres auditeurs. Donc, écoutez, moi, je pense à la plage. Je pense que c'est la plage qui est autorisée pour les chiens. Et c'est votre dernier mot, bien sûr. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Toujours les mêmes habitudes. Eh ben, vous avez tous raison. Ah, j'ai eu peur. Eh oui, c'est un banc de sable clôturé de 1250 mètres carrés exactement, réservé aux chiens et à leurs propriétaires, bien sûr. Évidemment. Hein, bien entendu. Alors, ça a été entièrement... Alors, c'est pas seulement un bout de plage clôturé en disant, c'est pour les chiens. Ça a été quand même pensé pour les chiens. C'est-à-dire qu'il y a des urinoirs pour chiens, coin où ils peuvent uriner. D'accord. Il y a des fontaines à eau douce pour chiens. Super. Pour qu'ils puissent s'abreuver. Et surtout, des douches. Ah oui. Pour chiens, pour éviter justement qu'ils reviennent à la maison avec plein de sable, le sel, etc. Donc ça veut dire que les maîtres peuvent doucher leurs chiens avant et de ils revenir. Ils ont le droit de se baigner, bien sûr. Et ils ont le droit, bien sûr, de se baigner. C'est génial. C'est génial. Alors c'est un test encore. Il faut le savoir. D'accord. C'est un test. La plage sera ouverte jusqu'au 25 septembre. Mmh. Et puis en cas de succès, ils vont sûrement renouveler la chose l'année prochaine en été. C'est super. Franchement. C'est génial, hein. Et ça n'existe pas en France, ça ? Ben non. Il n'y a pas de plage où les chiens sont tolérés ? Mais c'est pas des plages spéciales pour chiens aménagées pour les chiens. Il y a tous les aménagements qui font qu'ils ont un certain confort. Voilà, il y a en France... Alors, la plupart des plages en France, il faut quand même le dire, sont interdites aux chiens. Oui. Bon, après, ça dépend des municipalités. Certaines municipalités autorisent les chiens le matin très tôt ou le soir quand il n'y a pas trop de monde. Très tard, voilà, quand les vacanciers sont partis pour aller promener les chiens. Il y a des plages où on interdit la baignade aux chiens. Il y a des plages où on peut amener son chien, mais avec certaines restrictions. C'est vrai que ça, c'est la première plage vraiment, vraiment dédiée aux chiens, avec des aménagements vraiment pour les chiens. Eh bien voilà, ça c'est chouette. 6h45, Laetitia, on revient dans un instant. Un nouveau petit chaton vient d'arriver dans la famille de Jean-Noël. Il aimerait avoir quelques petits conseils. On va retrouver sa question dans un instant. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts animaux avec notre veto Laetitia. Le 32-16 pour nous joindre ce matin. N'hésitez pas, nous sommes en direct. Vous avez le mail aussi. animaux@rmc.fr et puis vous pouvez aussi nous laisser des petits messages sur Twitter. On vient de poster justement une petite photo du studio avec Laetitia sur mon Twitter F Sorel et puis vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter avec le hashtag vos animaux RMC tout accroché et nous laisser votre petite question. On est connecté. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Le nouveau show-foot d'RMC, Team Dugas, la génération 98 s'installe tous les jours de 18h à 20h sur RMC. En défense, le bœuf d'Imeco. Au milieu, petit Roten et en attaque, devinez qui ? Votre serviteur, Christophe Dugarry. Ça commence à faire une belle équipe tout ça, non ? Le nouveau show-foot d'RMC, Team Dugas, demain 18h-20h sur RMC. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui vendent des dressings. presque à la bonne taille. Et puis, il y a la paire, avec ses dressings 100% sur mesure. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre 30% de remise immanquable sur une sélection de dressings sur mesure. Moins 30% sur les dressings sur mesure Optimise. La paire, croyez-moi, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le week-end des experts, les animaux, merci d'être avec nous. Tout à l'heure en deuxième partie de ce rendez-vous dédié aux animaux que vous retrouvez tous les dimanches, on évoquera la chauve-souris car ça a été la nuit de la chauve-souris hein, ce week-end, c'est important. Voilà, c'est tout le week-end, en fin de compte on parle de nuit mais c'est... Oui, c'est le week-end de la chauve-souris, elle mérite bien un week-end quand même, voilà, cette chauve-souris. Voilà, c'est le week-end même international de la chauve-souris, attention. On parlera aussi des transports des animaux de rente. Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau scandale parce qu'on sait que parfois les conditions de transport de ces animaux n'est pas forcément super bonne. Hein, et oui, bien sûr. Et demain, il y a une mobilisation internationale contre les transports d'animaux dans plus de 40 pays. Et on fêtera aussi toutes ces médailles que nous avons reçues à Rio. C'est vrai qu'en matière d'équitation, on a été excellent. Hein. 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. On en parlera tout à l'heure avec les protagonistes de ces médailles. Il est 6h48. On enchaîne tout de suite avec vos questions. Et nous avons Jean-Noël qui est là. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour François. Bonjour Laetitia. Bienvenue Jean-Noël. Alors vous avez un petit chaton qui vient d'arriver à la maison. Oui, voilà, il a tout juste 2 mois. Voilà, bon, on a fait pas mal de petites annonces sur des sites internet pour trouver un chaton, ça n'a pas été facile. Il y a pas mal d'arnaques d'ailleurs, je tiens à signaler. Donc, ah oui, ça concernant les chatons, les chiots, il n'y a que des arnaques sur internet. Et on n'a pas hésité à les signaler voilà, sur les sites du gouvernement. Très bien. Voilà. Et donc on a fini par trouver ce petit chaton de 2 mois, 160 km de chez nous. Voilà, on est allé le chercher. Alors on ne connaît même pas exactement sa race, ça doit être un croisé. Voilà tout ça. Nous, auparavant, on avait un sacré de Birmanie et l'année dernière, donc on l'a perdu malheureusement. Oui. Mais le chat qu'on avait avant, on l'avait toujours eu adulte. Donc là, on se retrouve avec un chaton de 2 mois. Et vous êtes perdu. Alors, on lit un peu de tout et n'importe quoi sur Internet. Donc voilà, je voulais l'avis d'une spécialiste pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, est-ce qu'il est vacciné ce chaton? Non, il est ni vacciné, ni tatoué, rien du tout. Bon, alors déjà, c'était une faute de la personne qui vous a donné et vendu, je sais pas, le chaton, c'est que normalement, quand il y a le passage d'un maître à un autre, il faut que l'animal soit identifié. Ça, c'est la loi. Bon, déjà. D'accord. Bon, alors, vous allez de toute façon aller voir votre vétérinaire le plus tôt possible, puisqu'il faut qu'il soit vacciné, ce chaton. Alors, même si sa maman était vaccinée, il a dû recevoir des anticorps maternels qui le protègent contre certaines maladies, mais là, il est en faiblesse. Hein, au niveau maladie, il n'est pas protégé. Donc, il va falloir vraiment très vite le vacciner. Et le vaccin va être l'occasion justement d'aller voir votre vétérinaire et de faire un check-up de ce chaton pour voir s'il n'a pas justement d'autres problèmes que vous ne voyez pas et pour vous donner les premiers conseils concernant ce chaton. Le même jour, il va vous donner un vermifuge. Très important le vermifuge. Alors voilà, parce que c'est tous les mois... Hein, jusqu'à 6 mois, le vermifuge. Après, c'est tous les 2 mois jusqu'à 1 an. Donc, tous les mois jusqu'à 6 mois, c'est très important parce que avec sa mère, il a attrapé justement des vers qui reviennent comme ça tous les mois. Et c'est pour ça qu'il faut le vermifuger. Le traiter contre les puces, vous pouvez, mais pas avec n'importe quel antipuce, puisqu'il y a des antipuces qui sont déconseillées chez le chaton à 2 mois. Donc, il y a certains qui sont bien, d'autres pas. Donc, ça aussi, votre vétérinaire, je ne vais pas donner des marques, hein, bien entendu. Donc votre vétérinaire va vous conseiller l'antipuce hein, pour éviter qu'il ait des puces. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que alors les vaccins c'est maintenant, enfin faites-le cette semaine, ça serait bien hein, quand même le plus tôt possible. D'accord. Et rappel dans 1 mois et puis après rappel tous les ans, hein, comme votre sacré de Birmanie, j'imagine que vous aviez. Donc voilà, pour les puces, il en a quelques-unes, donc on passe tout doucement. Un peigne et une amie qui a l'habitude d'avoir des chats nous a apporté et passé hier avec un produit, un traitement spécial pour chatons, voilà, toléré par les chatons. Donc il a eu 6 pulvérisations comme ça, et on a voilà passé avec un gant sur le poil, voilà, etc. Donc il gratte encore pas mal, mais bon, après on va aller chez le véto et prendre le produit qu'il faut. Ensuite, oui, peut-être dernière question sur le tatouage ou le puçage. Alors, on fait plus de tatouage, hein, on puce hein, maintenant. Hein, on injecte une puce sous la peau. C'est-à-dire que le tatouage est interdit. Maintenant, on est passé à l'identification par puce. Parce que le tatouage est obsolète. Hein, voilà, c'est alors bien entendu, les chats qui sont déjà tatoués, on leur garde le tatouage. Oui, hein, oui. On peut pour les nouveaux doubler, modèles. Voilà, pour les nouveaux modèles, on va dire. Bien sûr, c'est la puce maintenant qui est reconnue. Donc, et en plus, ce qu'il y a de bien avec la puce électronique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'anesthésie. Parce que quand on tatoue, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été tatoué. Eh bien non, Laetitia, pour tout voilà. vous dire. Donc ceux qui ont été tatoués savent que ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Donc bien sûr, on ne veut pas faire de mal à nos animaux et on les anesthésie pour le tatouage. En revanche, pour la puce électronique, c'est comme si on faisait une injection sous-cutanée. Donc voilà, on le fait sans les anesthésier et ça se fait très vite. Et Jean-Noël, vous pouvez le faire le demander. Alors soit vous le faites au moment des vaccins, soit vous attendez de faire stériliser votre chat et vous demandez à votre vétérinaire de mettre en place la puce électronique à ce moment-là. Puis je crois que vous avez une dernière question concernant aussi le fait s'il peut sortir dans votre jardin, c'est oui, ça? Oui, voilà, parce que pour l'instant on le laisse dans la maison. C'est vrai, quand on est allé le chercher, il était déjà dehors, on l'a vu gambader dehors à toute vitesse. Oui. Donc il a déjà l'habitude de l'extérieur. Et donc là, bon, pour l'instant on hésite, étant donné qu'il n'est pas vacciné. Et puis bon, il y a des chats aussi dans le quartier, il est encore c'est vulnérable. C'est ça qui m'embête un peu, voilà. Hein, ça, il est encore vulnérable dans le sens où il y a des chats qui peuvent venir dans votre jardin. Moi, ce que je vous dirais, c'est plutôt pendant un mois, le temps qu'il est, juste après le vaccin, le temps qu'il ait un maximum d'anticorps, restez à la maison avec lui, ou alors faites-le aller dehors, mais sur la terrasse, vous le regardez, et puis vous le faites rentrer très vite pour qu'il n'y ait pas de contact avec d'autres chats, et au bout d'un mois, vous pourrez le faire sortir. D'accord. Hein, voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que en le laissant comme ça dans la maison, il va s'imprégner de la maison, il va mémoriser toutes les pièces et les endroits, etc. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans la maison. Il n'a pas besoin de sortir tout de suite dans le jardin. Vous savez, c'est un petit chaton, donc la maison pour lui c'est un château. C'est un truc immense. C'est comme immense. Ça, il aura ses repères, etc. Il aura ses repères et après, dans un mois, au moment du deuxième vaccin, vous pourrez du rappel de vaccin, vous pourrez le faire sortir. Merci Jean-Noël et bon dimanche. Laetitia, on enchaîne avec Benjamin maintenant. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bienvenue Benjamin, vous nous appelez Merci. Du Val d'Oise, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, j'ai un chat qui a 6 ans, qui est tout blanc, donc je ne connais pas la race. C'est un mais chat blanc. Qui est tout blanc, voilà. D'accord. Exactement, tout blanc. Et qui, depuis qu'elle est née, est atteinte de coryza. Ah. Voilà. Et si vous voulez, depuis quelques temps, qui elle est. Désolé, qui a les chaleurs. Oui. Ce chat a fait des bruits bizarres à la respiration. Oui. C'est-à-dire qu'elle inspire, mais avec un bruit. Et, un peu comme si elle avait de l'asthme, c'est ça? C'est ça, effectivement. Ou comme si elle avait quelque chose de coincé dans le nez, ou, vous voyez? Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Et est-ce qu'elle éternue? Non, non, les signes du coryza justement ne se manifestent pas trop, mais ça depuis quelques jours, depuis qu'il fait chaud, donc je voudrais savoir si c'était normal. Elle est en forme? Ah oui, elle mange du steak haché, du jambon, tout ce qu'il faut. D'accord. Alors, c'est pas forcément équilibré, hein, le steak haché et le jambon. Oui, c'est pour rajouter d'autres choses. Oui. Je vous fais confiance. Écoutez, vous avez parlé d'un coryza qu'elle a depuis peut-être petite, ouais. sa naissance. Alors le problème du coryza, c'est que quand le chat l'a petit, ce sont des microbes qui restent dans l'organisme et qui qu'on n'arrive pas à éliminer et on sait même avec que... des traitements antibiotiques, des choses comme ça, parce qu'il y a les virus d'abord, les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus, donc c'est des virus qui restent. Ah d'accord. Et dès qu'il y a une fatigue, un changement d'environnement, etc., le chat peut rechuter et refaire une crise de coryza. Alors on a des vaccins, il faut les vacciner bien sûr, parce que ça vaccine contre certains microbes du coryza. Comme je vous dis, c'est ce qu'on appelle une association de malfaiteurs, c'est-à-dire qu'on a plusieurs microbes, bactéries et virus qui agissent ensemble pour donner ce fameux syndrome coryza. Et on a des chats qui régulièrement dans leur vie, quand ils ont attrapé le coryza petit, peuvent refaire des rechutes. Et surtout Benjamin, ça peut modifier aussi l'appareil respiratoire supérieur. C'est-à-dire, c'est un peu comme nous, quand on a des sinusites chroniques, on a des fois des problèmes pour respirer, parce qu'on a justement une inflammation ou une malformation au niveau, des séquelles, si vous voulez, de cette affection de l'appareil respiratoire. Donc du coup, je pense que c'est ça que vous entendez. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour Benjamin? Tout simplement parce qu'il respire plus rapidement, ou il allaite, ou il respire plus rapidement parce qu'il fait chaud, ça c'est normal. Donc c'est pour ça que vous entendez ces bruits-là, puisque ça passe dans les naseaux et qu'il y a sûrement des séquelles de coryza qui font que il ronfle quelque part. Enfin, c'est comme si, vous savez, c'est comme les personnes qui ont des rhinites chroniques, elles ronflent. Parce qu'il y a une obstruction au niveau de l'appareil respiratoire. Et là, il y a un traitement à faire, quelque chose, ou attendre que la chaleur Si ça augmente, moi Benjamin, ce que je ferais, c'est je donnerais peut-être, parce qu'il y a peut-être une inflammation, des anti-inflammatoires comme des corticoïdes. Ça peut aider le chat à mieux respirer, ça faut le savoir. Donc si le chat a l'air bien, en forme, et que vous entendez juste ce bruit quand il respire, parce qu'il fait chaud, parce qu'il respire vite ou parce qu'il allaite, c'est pas grave. En revanche, si ça augmente, ou si vous êtes vraiment peut-être de la cortisone, voir avec votre vétérinaire s'il n'y a pas d'autres symptômes, s'il n'y a pas les yeux qui pleurent, Benjamin, vous connaissez les symptômes du coryza, éternuement, les yeux qui pleurent, éventuellement une toux. S'il n'y a pas d'autres symptômes, éventuellement donner peut-être un anti-inflammatoire pour éviter ce bruit-là. Sinon, ne pas s'inquiéter, c'est une séquelle du coryza. Benjamin, merci. Laetitia, la météo, les infos de 7h. Et on revient pour notre deuxième partie dédiée aux animaux. On parlera entre autres de la nuit des chauves-souris, on parlera d'équitation et du transport des animaux aussi. À tout de suite, et vos questions au 32-16. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, François Fillon. RMC, Bourdin direct, 6h-10h. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. C'est la météo sur RMC maintenant avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. L'alerte canicule a été levée ce matin par Météo France et après la chaleur, place désormais aux orages et à un temps instable. Des orages, on en retrouve ce matin du Midi-Pyrénées au nord-est du pays. Les averses orageuses vont se décaler au cours de la journée vers l'Auvergne et l'Alsace. Prudence dans le nord-est du pays, les orages pourraient également être localement violents et accompagnés de grêles. Alors dans l'ouest du pays, des frontières belges jusqu'aux Pyrénées, le ciel est beaucoup plus clément, il restera chargé avec un temps variable. On pourrait avoir quelques gouttes de pluie très localement et des averses beaucoup plus importantes sur les reliefs. Enfin, dans le sud-est et sur le pourtour méditerranéen, toujours un beau et franc soleil aujourd'hui. Les températures ce matin varient déjà entre 15 et 23 degrés. Dans l'après-midi, la chaleur devrait se concentrer sur l'Alsace-Lorraine ou encore la Provence, où l'on attend de 30 à 35 degrés. L'air est beaucoup plus respirable ailleurs. On attend par exemple 26 degrés à Lille, 29 à Paris cet après-midi et à Ajaccio, 32 à Marseille, 33 à Lyon, 35 degrés pour Bordeaux ou encore Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix de Belgique. 15h, Football Ligue 1, Bordeaux-Nantes. 17h, Saint-Etienne-Toulouse. Et Première Ligue anglaise, Manchester City-West Ham. Et à 20h45, le choc, Monaco-PSG. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h01. Toute l'actualité maintenant avec Claire Checaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, chacun en meeting hier. Un duel à distance dans lequel l'ex-président des Républicains s'est moqué des oreilles sensibles de son adversaire. Les paroissiens de Saint-Étienne-du-Rouvray, toujours traumatisés. Reportage sur place un mois après l'assassinat du père Jacques Hamel. En football, le premier choc de la saison ce soir, Monaco-PSG. Les Parisiens partent favoris. Un prêtre assassiné par deux djihadistes alors qu'il célébrait la messe, c'était il y a un mois à Saint-Étienne-du-Rouvray dans la banlieue de Rouen. La communauté catholique avait ensuite invité les musulmans à se joindre à sa douleur. Nous sommes retournés voir les paroissiens qui se sentent toujours orphelins depuis la mort du père Jacques Hamel, Quentin Pommier. Pas un jour sans qu'Hervé ne pense à la tragédie du 26 juillet et pas une messe sans que l'émotion ne prenne le dessus. C'est bizarre que ça puisse paraître. Des fois, je me dis, tiens, il y aura le père Jacques Hamel qui va dire la messe ce soir. Puis après, je me dis, mais non, non, là, il est maintenant aux cieux. Un revers de la main pour balayer les larmes et pour tenter de trouver un sens à ce drame. Je garde une image du père Jacques Hamel qui nous faisait des superbes sermons bien, bien profonds. Ça nous rappelle tout ce qu'on doit monter vers le ciel. On a un regard différent lorsqu'on est chrétien. Donc, c'est un regard d'espérance. Que nous portons. Aller de l'avant, c'est ce que demande à ses paroissiens le père Auguste, le curé de Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour faire les deuils et tourner la page, il ne faut pas qu'on reste sur ce qui est arrivé. Il faut plutôt tirer des leçons et voir comment nous pouvons construire un avenir meilleur. Un mois après, l'église où le père Hamel a été assassiné est toujours fermée. Elle rouvrira ses portes le 2 octobre. Le reportage RMC de Quentin Pommier. Distance géographique et divergence politique entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. L'ex-président des Républicains était au campus des jeunes de son parti, au Touquet. L'occasion pour celui qui s'est déclaré candidat à la primaire cette semaine de rappeler ses propositions très à droite, mais pas seulement. J'ai proposé, apparemment, ça a choqué quelques oreilles sensibles, de suspendre le regroupement familial tant que l'Europe ne se serait pas dotée d'une politique migratoire digne de ce nom. Et les oreilles sensibles, ce sont bien sûr celles d'Alain Juppé, qui avait qualifié hier d'inhumaine la proposition de Nicolas Sarkozy concernant la suspension du regroupement familial. Alain Juppé qui a fait sa rentrée politique hier à Chatou, dans les Yvelines. Je connais un peu la musique. À mesure que l'élan autour de moi continuera de grandir, les attaques pleuvront. Ils diront que je suis vieux. Jamais, en tout cas, je ne me suis senti aussi serein dans mon corps et dans mon esprit, avec une vision claire de ce que je dois faire pour mon pays. Ils diront que je suis trop dur, ou trop mou, à gauche, au centre. Tout cela, je vous l'assure, me laissera serein et conforté dans mon projet. La polémique sur le burkini, dernier épisode en date, c'est la note envoyée au préfet vendredi soir par le ministère de l'Intérieur. L'exécutif demande aux préfectures de saisir les tribunaux administratifs si des arrêtés ont été pris dans leur département. Fin de l'alerte canicule depuis une heure. Enfin, l'air devrait être un peu moins étouffant, sauf encore sur les départements les plus à l'est. Un père sanctionné par sa banque pour le comportement de son fils autiste. Elle vient de fermer les comptes de Loïc et de son fils, donc, c'est l'histoire lamentable de la caisse d'épargne de Rennes. Rappel des faits avec Léa Zachary. Ce mardi 10 août, Loïc se rend au guichet de sa banque comme toutes les semaines, accompagné de son fils Fabien, autiste. À 32 ans, l'homme a l'âge mental d'un enfant de 2 ans. Alors qu'ils font la queue, ce dernier veut aller aux toilettes. Son père le réprimande une première fois, mais Fabien insiste, commence à déboutonner son pantalon et tombe sur le directeur de l'agence. L'employé recadre brutalement le père et son fils et leur demande de quitter les lieux. Loïc est sous le choc. Il n'y a aucun truc que j'ai fait de grave. Faut qu'on dégage, c'est plus nouveau. Mais c'est pas humain, c'est tout. Hein. Je vais pas me laisser faire. Mais lui, ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, Loïc reçoit une lettre de la banque. Son compte et celui de son fils ont été fermés pour inconvenance. Ils ont 2 mois pour changer de banque. Loïc saisit alors un avocat qui dépose plainte contre la caisse d'épargne pour discrimination sur une personne vulnérable dans un lieu public. Une infraction punie par 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En football, Monaco contre PSG, premier choc de la saison ce soir pour la fin de cette troisième journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h45 au stade Louis II. Ce sera Marie-Amélie Motte, un choc au sommet à tout point de vue. Oui, même si Paris est favori de la rencontre, Monaco a de quoi titiller les joueurs d'Unai Emery. Solides défensivement, les Monégasques sont sur une bonne dynamique avec notamment leur qualification en Ligue des Champions cette semaine. Monaco est la dernière équipe à avoir battu le PSG, c'était au Parc des Princes le 20 mars dernier. Mais Paris reste le mastodonte de la Ligue 1 avec 20 buts en 7 matchs depuis le mois de juillet et ce sans Zlatan Ibrahimovic. Les Parisiens s'adaptent progressivement à la méthode Emery avec un jeu plus direct et plus de pressing que la saison passée. En cas de victoire ce soir, Thiago Motta et ses coéquipiers prendront la tête du championnat. Mais la tâche s'annonce délicate puisque 6 de leurs 8 dernières rencontres contre Monaco se sont terminées par un match nul. À suivre également aujourd'hui, Bordeaux qui reçoit Nantes et Saint-Étienne qui accueille Toulouse. Et puis, journée cauchemardesque pour les Lyonnais hier. Ils ont perdu leur attaquant Alexandre Lacazette sur blessure et ils se sont inclinés face au promu Dijon 4-2. Un résultat tellement surprenant que le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, avait du mal à y croire. La pondération n'exclut pas, bien sûr, demain l'explication. Mais pour le moment, on est dans une phase de pondération en ce qui me concerne, parce que c'est trop gros pour être vrai d'avoir perdu 4-2 contre un promu qui certes a de bonnes qualités, mais qui venait de perdre ses deux premiers matchs. Remise à l'eau pour les nageurs français 2 semaines après Rio. Ils étaient hier et avant-hier à Chartres pour la première étape de la Coupe du Monde en petit bassin. L'occasion de revenir sur le bilan mitigé de la natation française au JO avec Jérémy Stravius, médaillé d'argent aux 4 fois 100 mètres nage libre. Il y a eu des déceptions sur certaines courses, mais c'est pas un échec. Au contraire, on a vu des valeurs montantes. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, même si aujourd'hui ça se concrétise pas par des médailles. On a vu un relais féminin qui s'est placé en finale. On a vu des individualités comme Jordan Potin, Damien Joly, Charlotte Bonnet qui se placent en finale. Je pense que voilà, il faut souligner ces performances et pas avoir peur justement de demain. Jérémy Stravius au micro RMC de Julien Morin. En Formule 1, Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa cet après-midi. En cas de victoire, Nico Rosberg pourrait prendre les commandes du classement général devant Lewis Hamilton. RMC 7h08, le retour de François Sorel, des experts et avant toute chose, les pronostics, François. Avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Deauville, Claire et Sébastien Darras. Fais confiance au 14 Valdaya et au 16 Feel Alive. Brahim Asloum nous conseille le 3 et la Diva et Laurent Guédard quant à lui retient pour cet après-midi l'As London Protocol et le 6 Zapper Cass. Le 14, le 16, le 3, l'As et le 6. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h08, bon dimanche avec RMC. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent peut-être aussi de se réveiller. Sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts et en ce dimanche. Tout à l'heure, nous retrouverons Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, je sais que vous conservez farouchement votre permis de conduire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Ah oui, parce qu'on peut le perdre très vite. Voilà, on sait que le permis comporte 12 points et que ces points, on peut les perdre très très vite. Eh bien, tout à l'heure, on en parlera. Comment conserver son permis le plus longtemps possible? Il se trouve qu'un avocat spécialisé dans ce domaine-là a sorti un guide pour justement avoir des conseils pour garder son permis. On en parlera tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi les nouveautés de la rentrée avec Jean-Luc Moreau et vos questions auto au 32-16, donc à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, vous le savez, c'est votre rendez-vous animaux du dimanche avec notre vétérinaire Laetitia. Le 32-16, animaux@rmc.fr. Avant d'évoquer les chauves-souris, Laetitia, avant d'évoquer aussi l'équitation et les Jeux Olympiques de Rio, eh bien on va parler du transport des animaux. Voilà, et nous sommes avec Aurélia Greff de l'association CIWF qui a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d'élevage. Aurélia, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors demain est attendue une mobilisation internationale des associations de protection des animaux contre les transports d'animaux vivants. Alors on parle bien entendu des animaux de rente, des animaux de ferme. Alors pourquoi cette mobilisation, pourquoi ces transports posent problème ? Alors oui, demain, donc le 29 août, on y a la première journée internationale de mobilisation contre les transports longue distance, donc à l'initiative de CIWF. Il faut savoir qu'il y a des millions d'animaux qui sont transportés chaque année sur les routes en Europe, mais aussi dans le monde, et que ces transports posent de sérieux problèmes de bien-être animal. Concrètement, un exemple, c'est que les animaux sont souvent entassés dans des camions ou des cales de bateaux, donc ils sont trop nombreux dans les camions. Certains sont blessés, voire piétinés à mort. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être liés à l'épuisement et à la déshydratation, parce qu'ils peuvent être en transit pendant des jours, souffrir de températures extrêmes, ils peuvent rester sans nourriture et sans eau en quantité suffisante, ou pas avoir assez de repos. Il y a aussi beaucoup de stress, voire de la douleur et de la peur pendant ces transports, et ils sont souvent transportés simplement pour être abattus à l'arrivée dans des conditions qui ne respectent pas les règles internationales en termes de bien-être animal. Donc cette journée de mobilisation, elle a lieu dans une quarantaine de pays, il y a une centaine d'événements prévus demain partout dans le monde, aussi bien en Tanzanie qu'en Italie, qu'en France bien évidemment, mais aussi en Argentine, enfin voilà. Large mobilisation. Parlons justement de la France. Quelles sont les règles en France? Parce qu'il y a quand même une réglementation concernant le transport des animaux de ferme pour justement leur bien-être. Oui, alors il existe une réglementation qui est une réglementation qui s'applique en France et en Europe, qui est le règlement sur tous les transports d'animaux vivants, qui décrit des conditions. Donc il y a des réglementations qui concernent les compagnies de transport qui doivent être agréées. Est-ce que le chauffeur, par exemple, le chauffeur de camion doit être formé s'il veut transporter des animaux? Alors le transporteur, il doit avoir un certificat d'aptitude professionnelle au transport d'animaux vivants qui va indiquer qu'il a une formation de base pour savoir comment on doit manipuler les animaux. Et puis il y a aussi une réglementation importante par rapport au temps de transport, aux véhicules qui doivent être adaptés qui doivent être aux normes, qui doivent avoir des systèmes d'abreuvement adaptés, des systèmes de ventilation. Il y a un voyage réglementaire aussi au niveau de cette durée de transport, de la route, des temps d'arrêt, des temps de repos pour les animaux. Donc il y a aussi un registre pour vérifier que c'est, enfin, en théorie, pour vérifier. Et justement, est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il y a des contrôles? Il y en a très très peu. On estime qu'il y a à peine 6-1% des qui sont contrôlés, c'est vraiment le maximum. Et surtout, quand il y a des infractions, elles ne sont pas sanctionnées. Donc, il n'y a pas de gros risque non plus d'avoir des infractions. Et même déjà, les durées de transport, même celles qui sont autorisées, sont très longues. Et en plus, elles peuvent être largement dépassées. Il faut savoir que, par exemple, la France, on est le troisième exportateur d'animaux européens. On est le premier, par exemple, vers la Turquie. La Turquie, c'est des transports très très longs sur des milliers de kilomètres. Oui. Et en plus, on sait, puisqu'on a fait 5 ans d'enquête, on sait qu'arrivés à la frontière, ils sont souvent bloqués pendant des heures, voire des jours. Et là, il n'y a pas de réglementation aussi? Parce que quel est le temps maximum de transport pour les animaux en France ou en Europe, par exemple? Alors, le temps de transport va varier selon les espèces et selon leur résistance, entre guillemets. C'est-à-dire que pour des animaux particulièrement fragiles, comme des animaux non sevrés, en général, c'est un transport de 9 heures, 1 heure de pause, 9 heures de route et après 24 heures de repos. Par exemple, pour 9 heures, c'est beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup. Par exemple, pour les cochons, ça peut être jusqu'à 24 heures sans pause et seulement après avoir 24 heures de repos. Et par exemple, pour des vaches ou pour des chèvres, ça va être 14 heures de route, 1 heure de repos, 14 heures de route et seulement après 24 heures de repos. Donc on parle vraiment là, cette journée, elle s'adresse aux transports longue distance. Et c'est à ces transports-là qu'on veut mettre fin. Et alors, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez qu'il y ait une réglementation qui raccourcisse ces heures de transport? Alors voilà, nous on demande qu'il y ait une nouvelle réglementation, qu'elle soit révisée au niveau de la Commission européenne et donc ensuite appliquée en France, qui limite à 8 heures pour tous les animaux la durée des transports. On estime qu'au-delà de 8 heures, il est vraiment très difficile de garantir le bien-être animal. Bien sûr. Et le principe aussi qui nous guide est de dire que les animaux doivent être élevés et abattus aussi près que possible de leur lieu de naissance. Et on estime que 8 heures de route, dans la plupart des cas, vous couvrez quand même déjà une belle distance. Bah, c'est-à-dire, le problème aussi, c'est que, comme vous le dites, la France exporte beaucoup d'animaux vivants. Oui. Donc, ça veut dire que, voilà, longue distance et longues heures sur la route. Oui, on en exporte beaucoup au sein de la communauté européenne. On exporte par exemple des animaux particulièrement fragiles qui sont des veaux non sevrés. Là, on va les exporter beaucoup vers l'Espagne. Et puis, on va exporter beaucoup de bovins et beaucoup de ovins, donc des vaches et des moutons, vers Maghreb et Moyen-Orient. Et donc là, ce sont vraiment des durées très longues. Alors justement, vous avez fait une enquête sur les veaux non sevrés, le transport des veaux sevrés, et je crois que les résultats sont édifiants. Oui, donc il y a une enquête qui a été faite sur 2 ans pour voir que dans quelles conditions étaient transportés les veaux non sevrés. Et le résultat est édifiant et montre clairement qu'il est impossible de transporter des veaux non sevrés sur de longues distances en respectant non seulement le bien-être animal, mais aussi la législation. Parce que ce qu'on voit sur ces images et ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que c'est quand même les veaux. Quand on dit nouveau-nés, ils ont à peine 10 jours et ils sont encore sevrés. Ils ne sont pas encore sevrés, donc ils devraient boire du lait tiédit ou un substitut de lait. Ouais. Et ils se retrouvent dans des camions et ils peuvent faire jusqu'à 3000 km et plus de 40 heures de route. Et dans les camions, comme c'est des animaux particulièrement petits, ils ne savent pas bien utiliser les systèmes d'eau, il n'y a pas de système d'abreuvement qui sont adaptés pour eux. Donc, qu'ils sont dans les camions, ils n'ont ni eau ni nourriture. Donc, on voit des animaux qui sont assoiffés, qui lèchent des parois, qui essayent de désesséter les autres veaux. C'est vraiment des images poignantes. Mmh. Ils sont généralement sur 3 étages dans les camions pour mettre le plus d'animaux possible. Et du coup, ils n'ont même pas assez d'espace en hauteur pour tenir leur tête droite. Et ça, c'est des images qu'on a prises, notamment en France, où on était allé sur l'association avec qui on a travaillé sur cette enquête, est allé au marché aux bestiaux de Chaton-Gauthier en France. Et on a vu aussi des veaux qui étaient aussi très faibles, qui n'auraient pas dû être transportés, qui deviennent malades ou qui se blessent. Mmh. Certains sont morts dans les camions et d'autres vont mourir à leur arrivée dans les centres d'engraissement, notamment en Espagne. Ça sera peut-être le prochain scandale après le scandale des abattoirs, le transport sur des longues distances des animaux. Bah en tout cas, ça fait des années que les associations globalement de protection animale en Europe alertent la Commission européenne sur ces problématiques-là. Il faut savoir que la Commission européenne a admis que, en tout cas, au-delà de l'Union européenne, il y avait peu de chances de faire respecter la réglementation. On n'a pas les moyens de faire des contrôles, on n'a pas les moyens de la faire appliquer. Ça manque de moyens, c'est sûr. S'il y a une décision simple, si on peut pas faire appliquer la loi, on modifie la loi et on n'exporte plus les animaux au-delà de nos frontières. Mmh. C'est du coup notre demande, puisqu'on n'est pas capable d'assurer le bien-être des animaux qu'on exporte, on les exporte plus au-delà de l'Union européenne. Merci Aurélia. Beaucoup de transport. Merci Aurélia. Alors, vous avez des mobilisations qui ont lieu dans de nombreuses villes en France. Et le CIWF France organise des actions, par exemple, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux et à Paris. Et c'est demain. Merci Aurélia. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bon, Laetitia, on va revenir dans un instant. Pour parler d'autre chose, on va évoquer les chauves-souris. Parce que ce week-end, c'est un peu le week-end des chauves-souris. Du coq à l'âne, mais c'est du coq à la chauve-souris. Du coq à la chauve-souris. Et vous verrez, la chauve-souris est un animal étonnant et on en parle donc parce que ce week-end, c'est le week-end de la chauve-souris. On fête la chauve-souris. Et oui, on en parle dans un instant. Tiens, si vous avez des chauves-souris chez vous, si vous voulez témoigner, appelez-nous ce matin, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Il y en a qui ont la phobie des chauves-souris. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y en avait de temps en temps et je trouvais ça assez sympa. Pourtant, beaucoup de personnes ont peur des chauves-souris, mais c'est parce qu'il y a des légendes dessus, des mythes. Oui, c'est vrai. On en parle dans un instant. 3216, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Ça veut dire quoi être cool pour Darty ? Être cool, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un lave-linge à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, du 25 août au 1er septembre, le lave-linge Samsung WF80 EcoBubble Blanc est à 449 € au lieu de 499, soit 50 € de remise. Et en plus, jusqu'au 23 octobre, Samsung vous rembourse 40 €. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Tout à l'heure, à 18h sur BFM TV, c'est BFM Politique. Et cette semaine, Apolline de Malherbe reçoit Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. BFM Politique, tout à l'heure, 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien aujourd'hui en France et RMC. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il Il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux jusqu'à 8h. Merci d'être avec nous et bienvenue. Nous allons maintenant évoquer les chauves-souris car vous le savez, peut-être pas, mais ce week-end, c'est le week-end de la chauve-souris. Et donc, on en parle avec un spécialiste. C'est le week-end de Batman alors. C'est le week-end de Batman, voilà. Vous entendez la musique derrière. Et nous avons François Prudhomme pour en parler avec nous. Voilà, et François Prudhomme qui est auteur de « Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ?» sans clé pour comprendre les chauves-souris. François, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, il paraît que vous êtes à l'extérieur de votre maison en train d'observer les chauves-souris, c'est vrai ? Bah écoutez, c'était pas prévu comme ça, mais pour ne pas réveiller toute la maison à cette heure un petit peu tôt pour mes petites filles, bah, je suis sorti de la maison pour vous parler. Et en effet, à cette heure-ci, bah, les pipistrelles sont en train de rentrer sous les ardoises de ma maison. Donc je viens de me rendre compte que c'est l'heure aussi pour elles de finir leur journée. Voilà, elles finissent leur journée avant de dormir et nous commençons notre journée. Tout à l'heure, avant d'arriver à la radio avec Laetitia, on essayait de trouver des chauves-souris dans Paris. C'est moins facile quand même. Est-ce qu'il y en a en ville, des chauves-souris? Oui, tout à fait. Il y a des chauves-souris en ville, comme il y en a à la campagne. Alors, il y a pas mal d'espèces en France. Il y a 35 espèces de chauves-souris différentes. Et chaque espèce a des mœurs un petit peu différentes. Mais certes, donc, il y en a certaines qu'on trouvera pas en ville. Mais il y en a d'autres qu'on va trouver parfaitement en ville. Les pipistrelles dont je parlais, vous allez en trouver. La Noctule, qui est un petit peu la star cette année, ben, il peut y en avoir dans les villes. Pourquoi la star cette année? Alors parce que c'est la chauve-souris qui a été désignée pour être le centre des animations dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure sur le week-end de la chauve-souris, c'est ce qu'on appelle nous la nuit de la chauve-souris. Voilà, c'est la nuit internationale quand même de la chauve-souris qui a lieu. C'est ça. C'est la 20e édition et elle a lieu tous les ans fin du mois d'août. C'est ça, et c'est l'occasion pour tous les bénévoles, tous les gens qui s'intéressent aux chauves-souris, de faire des petites actions de sensibilisation, généralement autour d'une soirée qui se passe autour d'un diaporama, et d'une petite sortie ensuite à l'extérieur pour essayer de rencontrer les chauves-souris. Mais alors, est-ce que vous rencontrez encore des personnes qui ont peur des chauves-souris? Parce que moi, je rencontre encore des personnes qui, quand ils voient les chauves-souris voler autour d'elles, elles ont très peur. Est-ce que, pourquoi on diabolise comme ça les chauves-souris? Ah bah, diaboliser, c'est le bon terme, je pense, parce que ça fait partie, en effet, du bestiaire diabolique. Dans l'histoire dans l'histoire catholique, le bestiaire diabolique contient la chauve-souris. Et quand on la retrouve, soit dans les modillons, soit sur les chapiteaux des cloîtres ou dans les églises, bah, c'est toujours accompagné des autres animaux diaboliques. Certainement parce que c'est un animal de la nuit, et que du coup, ça effraie toujours un petit peu, ça a un vol auquel on n'est pas habitué. On a du mal à suivre une chauve-souris qui vole quand à l'œil, alors qu'une hirondelle ou un autre oiseau, on arrive à le voir. Ce petit mammifère là, c'est plus difficile de le suivre. Et du coup, quand on le surprend quelque part et qu'il s'envole, ça fait un petit peu peur. Alors du coup, après, se sont accrochés à ça plein de mythologies et ça a participé certainement à un imaginaire un petit peu de peur. Alors c'est pourtant pas justifié, mais voilà, ça s'est maintenu comme ça longtemps. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Alors, elles sont dangereuses pour les moustiques, mais pour nous, elles le sont pas, non. Les chauves-souris d'Europe, c'est celles que je connais le mieux, donc c'est celles dont je me permettrai de parler, sont des chauves-souris totalement inoffensives pour nous, d'ailleurs, qu'on ne rencontre pas au quotidien, alors qu'il y en a partout autour de nous, mais généralement, on les ignore complètement. Eh oui. Parce que c'est une cohabitation qui se fait très discrètement. C'est un animal qui ne va pas construire de nid, c'est un animal qui va plutôt se cacher dans des endroits tranquilles, qui va vivre la nuit quand nous on dort, qui vole alors que nous on est plutôt sur terre. Donc en général, on n'a pas trop l'occasion de se rencontrer alors qu'on cohabite presque constamment. Donc c'est une cohabitation tout à fait pacifique et qui se passe généralement très bien. Et elle ne s'accroche pas aux cheveux? Elle ne s'accroche pas aux cheveux, ça, moi, maintenant que je suis papa de petite fille, je sais que c'est ce qu'on raconte aux filles pour pas qu'elles sortent la nuit, pour leur faire peur, et voilà, leur dire qu'attention dehors. C'est comme le loup-garou. Voilà, si on sort dehors trop tard, les chauves-souris vont s'accrocher dans nos cheveux, mais non, c'est pas vrai du tout, les chauves-souris y voient très très bien, elles n'ont aucune raison de s'accrocher dans nos cheveux, et elles y voient. Enfin, les ivoires. Vous savez que c'est un système d'écolocation. Oui. C'est grâce aux ultrasons qu'elles émettent et à l'écho de ces ultrasons qu'elles réceptionnent ensuite dans leurs oreilles qu'elles perçoivent le monde. Mais elles le perçoivent de façon suffisamment précise pour être capable de capturer dans le noir un moustique qui vole. Donc un cheveu et plus plein de cheveux sur une tête, ça, il n'y a aucune raison qu'elles ne le voient pas et qu'elles s'y en mêlent. Donc aucune raison de se mettre dans les cheveux de quelqu'un. Elles ne le font jamais. Mais en fin de compte, si elles font un vol plané au-dessus de notre tête, c'est peut-être pour manger les moustiques qui veulent nous piquer. Alors la plupart du temps, c'est qu'elles ignorent complètement ou elles sont totalement indifférentes à notre présence. Oui, c'est ça. Et du coup, nous, on a l'impression, parce qu'on est un petit peu peureux la nuit, de voir un animal qui vole près de nous, on a l'impression qu'il s'intéresse à nous, mais en fait, la plupart du temps, elle est totalement indifférente. Et la chauve-souris est autour de nous, mais elle ne cherche pas particulièrement à s'approcher de nous. Alors, les chauves-souris ont quand même un rôle important dans la nature. Alors, on parle des moustiques, donc elles ont un contrôle sur les populations d'insectes. Et dans d'autres pays, elles s'occupent même de la pollinisation, comme les abeilles. Oui, tout à fait. Alors, en effet, en Europe, il n'y a que des espèces qui sont insectivores. Oui. Donc là, c'est uniquement un rôle, dans les rôles écologiques, de régulation des populations d'insectes. Une petite parenthèse pour dire quand même que ça peut être très important. Dans le delta de l'Èbre, où il y a de grandes cultures de riz, on a réussi, sur certaines exploitations, grâce à des nichoirs, à attirer de nombreuses chauves-souris qui ont permis d'arrêter les insecticides. Alors que sur des exploitations à côté, les insecticides sont très utilisés contre la pyrale du riz, qui est un ravageur important de ces cultures-là. Et voilà, donc c'est un insecticide naturel qui peut être extrêmement précieux. Mais en effet, à d'autres latitudes, les chauves-souris ont un autre rôle écologique. Il y a des chauves-souris qui sont donc, c'est ce que vous disiez, nectarivores. Et lorsqu'elles vont se nourrir de nectar, elles vont permettre, en passant d'une fleur à une autre, comme le font les abeilles chez nous, la pollinisation. Et d'autres chauves-souris qui, elles, sont frugivores, vont permettre la dissémination également des graines et vont permettre comme ça la dissémination de certaines espèces de plantes. Alors, elles sont toutes protégées en France. Est-ce qu'elles sont en voie de disparition? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une grande diversité de chauves-souris. Il y a 35 espèces en France et on ne peut pas parler de la même façon de toutes les espèces. Il y en a certaines qui semblent très bien se porter, d'autres sur lesquelles on s'inquiète. Du coup, il y a une vigilance qui est portée. Il y a certaines espèces qui sont particulièrement suivies. Comme tous les insectivores, c'est un petit peu une période difficile, quoi, parce que les insecticides sont quand même beaucoup utilisés. Les populations d'insectes, par conséquent, diminuent de façon considérable dans certaines zones où l'agriculture est très intensive. Et du coup, les populations de chauves-souris en subissent directement les conséquences, comme elles subissent les conséquences de la destruction de leur habitat, comme elles sont aussi sensibles aux voitures ou aux trains ou aux éoliennes, à tout sur lesquels il peut y avoir des collisions directes. Et donc tout ça, c'est autant de menaces qui s'additionnent et qui font qu'il y a certaines espèces qui se portent pas très bien et qu'on surveille de très près. À côté de ça, il y en a d'autres qui se portent plutôt bien et voilà, il faut le voir à l'échelle de chaque espèce. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas trop les chauves-souris parce qu'elles posent problème, elles se mettent en colonie dans les greniers. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, la cohabitation se fait sans qu'on s'en rende compte. Alors, quand on s'en rend compte, il faut voir si ça pose vraiment problème. Soit ça fait très peur et on peut peut-être discuter avec quelqu'un qui connaît les chauves-souris pour être rassuré sur le fait que les chauves-souris ne vont pas construire de nid, donc elles ne vont pas apporter de matériaux dans la maison, elles vont rien apporter de sale dans la maison. Elles ne vont pas, ce sont pas des rongeurs, on appelle ça les chauves-souris, mais c'est par une analogie parce que ça ressemble un petit peu à une souris, mais ça n'a rien à voir avec une souris. C'est un insectivore, ça ne ronge pas, donc ça va pas manger ni l'isolation, ni les fils électriques, ni les poutres. Mais ça c'est des idées reçues, hein. Voilà, mais c'est pour ça que la première chose à faire souvent, c'est de dialoguer avec la personne qui héberge une colonie pour la rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de dégradation sur son habitation. Après, une grosse colonie de chauves-souris, ça peut faire, ça fait quand même de l'urine, ça fait quand même du guano. Oui, ça peut avoir ça peut occasionner des nuisances et sur lesquelles, du coup, il faut essayer de trouver une solution. Ce sont des espaces protégés, on va pas s'amuser, elles sont menacées, elles sont rares, la plupart du temps, on va pas s'amuser à les détruire trop facilement, surtout que c'est totalement interdit. Donc, le but vraiment, c'est de trouver quelqu'un dans son entourage qui puissent donner des conseils. Et il y a pour ça plein d'associations et plein de relais en France. Parce qu'on n'a pas terminé, on va revenir dans un instant. Je voulais juste faire un petit break. On va en parler dans un instant. Si on a des problèmes avec des chauves-souris dans son grenier, on appelle une association qui connaît bien les chauves-souris, qui va nous aider justement à gérer ce problème. On en parle dans un instant. Vous nous donnerez le nom de cette association, comme ça on sera au courant. Et puis moi j'aurais une question pour les observer, ces chauves-souris. Où est-ce qu'on peut en observer? Voilà, vous nous expliquerai comment aussi il faut faire. Ça sera après la météo et les infos de 7h30 et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216 si vous voulez témoigner. Tiens, vous avez vu des chauves-souris, vous vivez avec des chauves-souris parce qu'il y en a chez vous, et bien racontez-nous comment ça se passe. La cohabitation est bonne? 3216, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Le nouveau show-foot d'RMC, Team Dugas, la génération 98 s'installe tous les jours de 18h à 20h sur RMC. En défense, le bœuf du micro. Au milieu, petit Roten et en attaque, devinez qui? Votre serviteur, Christophe Dugarry. Ça commence à faire une belle équipe tout ça, non? Le nouveau show-foot d'RMC, Team Dugas, demain 18h-20h sur RMC. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac, rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est l'heure de la météo sur RMC, c'est la météo de ce dimanche avec vous, Jérémy Souliman, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, hein, François, vous annoncez, le temps se dégrade aujourd'hui. C'est vrai? Et ouais, c'est vrai. Au menu de cette journée, un temps instable et des orages un petit peu partout. Déjà quelques coups de tonnerre ce matin du Midi-Pyrénées au nord-est du pays. Les averses orageuses vont se décaler ensuite vers l'Auvergne et l'Alsace. Prudence notamment dans le nord-est du pays, les orages pourraient être violents localement et accompagnés également de grêle. Dans une grande moitié ouest du pays, des frontières belges jusqu'aux Pyrénées, le ciel restera chargé aujourd'hui avec un temps variable. On attend quelques averses très localisées, notamment dans le sud-ouest, et des averses beaucoup plus importantes cette fois-ci sur les reliefs. Pour trouver un beau et franc soleil finalement, eh bien, il faudra se rendre dans le sud-est et sur le pourtour méditerranéen. Alors, fin de l'alerte canicule ce matin côté température. On respire enfin. Il fait déjà entre 15 et 23 degrés sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, la chaleur devrait surtout se concentrer sur l'Alsace, la Lorraine et la Provence. On attend par exemple 26 degrés à Lille, 29 à Paris et Ajaccio, 32 degrés à Marseille, 33 à Lyon, 35 degrés à Bordeaux ou encore à Strasbourg. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, il est 7h31, un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Deux meetings, deux discours et un seul objectif. La primaire à droite, Alain Juppé a fait sa rentrée politique à Chatou dans les Yvelines hier. Le préféré des sondages a taclé l'ex-chef de l'État en refusant une sorte de Guantanamo à la française pour les fichiers S. De son côté, Nicolas Sarkozy, qui était au Touquet, au campus des Jeunes Républicains, a brocardé le concept d'identité française heureuse défendu par le maire de Bordeaux. La cote de popularité de François Hollande en légère baisse, moins un point comparé au mois dernier, avec 16% de personnes seulement satisfaites de son action. Résultat du baromètre IFOP pour le JDD. Manuel Valls gagne lui 3 points avec 24% de sondés qui lui font confiance. La mort d'un pilote de planeur hier dans les Pyrénées-Orientales. L'appareil est entré en contact avec une ligne électrique. À La Réunion, un jeune surfeur toujours entre la vie et la mort. Après avoir été attaqué par un requin, il était sur sa planche alors que la baignade était interdite. La fin de la canicule, Météo France a levé l'alerte orange sur tous les départements ce matin. Donald Trump promet d'expulser des centaines de milliers d'immigrés clandestins dès le début de son éventuel mandat à la Maison-Blanche. Le candidat républicain s'est aussi engagé à annuler les décrets de régularisation signés par Barack Obama en faveur des migrants illégaux. En football, suite de la troisième journée de Ligue 1 et le choc ce soir, Monaco contre PSG. À suivre également Nantes qui se déplace à Bordeaux et Saint-Etienne qui accueille Toulouse. Hier, les Lyonnais ont été humiliés par Dijon, le promu de la saison dernière, résultat 4-2. Et puis Guingamp a pris provisoirement la tête du classement après sa victoire à l'extérieur face à Nancy 0-2. En rugby, suite de la deuxième journée du top 14, Montpellier accueille Clermont. Hier, le leader Toulouse a battu Bordeaux-Bègles 22-17. A noter aussi la victoire de Toulon face à Pau 18-22. RMC, 7h33, l'heure de retrouver tout de suite François Sorel. Merci beaucoup Claire et vous revenez à 8h bien sûr pour développer tous ces titres d'actu. Dans un instant, le retour de notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin et vos questions animaux 32-16, on vous attend bien entendu. À tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Attention là, tiens, petite question flash. Est-ce que vous êtes prête à écouter la question de Steve? Ma sœur a 16 ans, Laetitia, et elle a un chat. Mon problème est que j'y suis allergique au chat. Est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre cette allergie ou dois-je me résoudre à imposer à ma petite sœur de se séparer de son chat? Oh là là, la petite sœur va être très très malheureuse. Ça peut être embêtant. Elle se sépare de son chat. C'est un vrai souci. Alors c'est un vrai souci. Alors d'abord, je ne suis pas un médecin mais allergologue, donc je peux pas vous donner vraiment des conseils concernant votre maladie. Tout dépend du seuil de sensibilité de votre allergie et des symptômes de l'allergie elle-même, hein, parce que il y a des allergies qui sont minimes et d'autres où vraiment on a des crises d'asthme où là ça devient vraiment sérieux. Alors faut savoir quand même, moi ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes allergiques aux chats ont des chats. Donc, ça veut dire que dans certains cas, ou dans plusieurs cas en tout cas, on peut vivre quand même avec un chat si on est allergique. Mais c'est vrai qu'on peut diminuer le taux d'allergène dans son environnement, dans le sébum du chat, parce que les allergènes sont dans le sébum, vous savez, le gras qu'il y a sur la peau, les poils du chat. Donc, c'est pas le poil en lui-même. C'est pas le poil, c'est ce qu'il y a sur le poil. Alors, d'abord, il faut stériliser le chat. Le fait de stériliser, ça diminue les allergènes, on le sait. Il faut laver le chat au moins une fois par semaine. Le chat s'habitue très vite à ce qu'on le lave. Vous pouvez le laver. Et puis, tous les jours, vous passez un gant humide sur le poil du chat pour prendre le maximum, justement, de sébum et de poils. Vous lui interdisez certaines pièces, les chambres, forcément, tout simplement. Hein, oui. Voilà. Vous évitez de le caresser, vous, en tant que personne allergique. Et puis, vous passez très souvent l'aspirateur, vous aérez. Parce que bien souvent, on a une allergie au poil de chat, mais aussi aux acariens, faut le savoir. Vous évitez les moquettes, les tapis. Voilà. Tout ça, ça va diminuer le taux d'allergène dans votre environnement. Ça peut suffire à éviter les crises et peut-être à désensibiliser. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le week-end des experts, c'est les animaux. Comme chaque dimanche, RMC vous propose entre 6h et 8h, vous le savez, 2h entières dédiées aux animaux. Laetitia, tout à l'heure, nous allons célébrer la France qui a été championne, vous le savez, d'équitation lors des derniers JO à Rio. Deux médailles d'or et quand même. Et une médaille d'argent. Et une médaille d'argent en concours complet et en saut d'obstacle. On aura avec nous un champion olympique en concours d'obstacles qui a justement raflé ses médailles. Et puis Sophie Dubourg aussi, qui est directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. Mais auparavant, on évoque la chauve-souris à l'occasion de la nuit de la chauve-souris qui se déroule ce week-end. François Prudhomme est avec nous pour nous en parler. Il est l'auteur du livre « Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ?» Et nous allons avoir tout à l'heure aussi Suzanne qui veut témoigner parce que elle côtoie les chauves-souris au quotidien, Laetitia. Oui, voilà. Et peut-être on va la prendre tout de suite. Parce Allez, Suzanne. Bonjour Suzanne. Oui, bonjour Suzanne. Bonjour RMC, je vous écoute depuis des années et j'adore votre émission. C'est très gentil. Merci Suzanne. Alors, vous aimez les chauves-souris, vous? Ah, écoutez, je me suis aperçue il y a des années de ça. Je voulais fermer mes volets. J'ai une vieille maison, donc j'ai des volets en bois. Oui. Et je veux, pour fermer mes volets, j'ouvre le volet du mur et je vois, il y avait deux petites chauves-souris, mais c'était des bébés. Et alors, j'ai repoussé le volet contre le mur. Et depuis, ça fait des années, ça fait bien plus de 20 ans, hein, je ne ferme jamais mes volets. Depuis ce moment-là? Ah oui, je me suis aperçue. Oui, j'ai trois fenêtres. Hein, et à toutes les fenêtres, et derrière la porte aussi, j'ai une porte d'entrée, où c'est en bois, quoi, je ferme. Je ne la ferme pas non plus. Et je me suis aperçue qu'il y avait des bébés. Parce que elles sont beaucoup plus petites que les grosses, enfin que les grosses, qui font quoi, je sais pas, 3-4 centimètres de diamètre, disons, voilà. Et donc, et le soir, je les vois, hein, elles sortent et elles reviennent, elles dorment là. Je n'ai pas mis d'abri parce que j'aurais pu construire des abris, j'ai plein d'animaux, hein, entre parenthèses. Donc, elles sont là et depuis des années. Alors, il y a des bébés, je pense qu'elles vont bien. C'est vrai, vous savez comment je m'en suis aperçue? Il y a des petites crottes, c'est vraiment très, comme des petites crottes de souris par terre. D'accord, oui, oui, oui. Et voilà, et un jour, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ouvre le volet, ah, j'ai vu, ben voilà. Bon, alors, François Prudhomme, est-ce qu'il faut arrêter de fermer ses volets pour sauvegarder les chauves-souris? Ah ben, bon, la priorité, c'est quand même d'avoir un usage sur les volets, hein, ça j'imagine bien, mais quand on a la possibilité de les laisser ouverts, c'est vrai que c'est pas rare que les chauves-souris s'installent derrière les volets. Ouais, et c'est un beau témoignage de cohabitation qui se passe bien, ouais, c'est chouette. Ah oui, oui, hein. Mais j'ai plein d'oiseaux aussi de la nature que je nourris, enfin, moi, personnellement, j'ai des oiseaux. C'est l'arche de Noé. Oui, voilà. J'ai l'impression, voilà. Suzanne. Voilà. C'est très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage, merci, Suzanne. Merci, Suzanne. Bon dimanche. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, oui, une fois, j'avais appelé aussi parce que j'ai élevé un petit hérisson Gédéon. Ah oui. Et voilà. Alors on s'en souvient, oui. Ben, Gédéon, il est chez Alcatorda maintenant, dans une association quoi, qui s'occupe des animaux sauvages. Voilà. Très bien. Merci. Merci, voilà. Suzanne. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, François, alors bon, on pourrait aller chez Suzanne observer les chauves-souris, mais on va pas les déranger, Suzanne, quand même. Comment fait-on si, on a envie d'observer des chauves-souris? Alors, il y a plusieurs façons. Si c'est juste observer des chauves-souris en vol, c'est relativement simple. Il suffit d'aller se promener dans un village, même dans un grand village, même dans une ville, chercher un lampadaire, peut-être le bord d'une rivière, et vous avez de grandes chances de voir des chauves-souris en vol. Et c'est déjà un spectacle assez extraordinaire. Pourquoi un lampadaire? Parce qu'elles sont attirées par la lumière? Alors, parce que les lampadaires attirent les insectes, et certaines chauves-souris sont assez opportunistes, et du coup vont se retrouver autour des lampadaires. C'est leur garde-manger, quoi. Alors, il y a quelques espèces de chauves-souris qui détestent la lumière, qui ne supportent pas la lumière et qu'on ne trouvera jamais autour des lampadaires. Mais quelques espèces, comme la pipistrelle par exemple, se voient facilement autour des lampadaires et c'est un sacré spectacle déjà de voir ça. Voir des chauves-souris dans leur gîte, ça c'est plus compliqué parce que c'est des espèces qui sont très sensibles au dérangement. Et donc ça, le faire soi-même, c'est quand même pas trop recommandé. Par contre, on peut se rapprocher d'associations qui s'intéressent aux chauves-souris où des gens sont susceptibles de vous inviter à participer à des inventaires et donc d'aller voir des colonies dans les meilleures conditions pour ne pas les déranger. D'accord. Très bien. Et comment faire aussi pour les protéger? Parce que alors là, bon, on a les histoires de voler hein, qu'on peut ne pas fermer comme chez Suzanne. Mais est-ce que justement on peut mettre en place des abris pour les chauves-souris? Alors oui, ça existe. On construit des nichoirs pour les chauves-souris qui peuvent se mettre près des arbres ou qui peuvent se mettre sur les façades d'une maison. Bon, ça c'est dans le cas en fait où on veut attirer des chauves-souris quelque part, ou alors parce qu'on a détruit un gîte quelque part et qu'on espère que en leur proposant un gîte de substitution, elles vont pouvoir s'y installer. Mais en fait, la meilleure protection, c'est d'essayer autant que possible de les laisser à l'endroit qu'elles ont choisi toutes seules, et parce que généralement elles ont suffisamment de gîtes autour d'elles pour choisir celui qui leur convient le mieux. D'accord. Merci. Eh bien, merci François. Merci François. Alors, si vous voulez savoir un petit peu les animations gratuites hein, qui sont proposées un peu partout en France, vous allez sur le site de la nuit de la chauve-souris, tout simplement, c'est toutattaché.com. Et puis, vous aurez aussi beaucoup de d'informations sur les chauves-souris et sur d'autres animations qui ont lieu tout au long de l'année autour de la chauve-souris, bien sûr. Voilà. Et si je peux me permettre, c'est le site de la Société française d'études et de protection des mammifères qui relaie la nuit de la chauve-souris en France. Et c'est aussi sur leur site que vous aurez le réseau des bénévoles et des associations sur tout le territoire français qui répondent aux questions des gens sur la cohabitation, en particulier avec les chauves-souris, mais aussi sur toutes les informations qui les concernent. Voilà, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. On mettra aussi le lien sur Facebook. Merci François. Merci François. Merci. Au revoir, bon dimanche. Et bien voilà. Merci. Peut-être a-t-on, comment dirais-je, donné envie à tous ceux qui avaient un petit peu peur des chauves-souris de les découvrir, ces petits animaux sympathiques. Bon, Laetitia, on va revenir dans un petit instant sur RMC. Il est 7h42 et on va évoquer encore une fois Rio. Alors c'est vrai que ces JO, vous avez pu les vivre sur RMC en direct en intégralité, et on va revivre quand même un bon moment, ce moment où on va dire l'équitation française a triomphé là-bas. On en parle dans un instant avec deux de nos invités. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins pour 1€. Il vous offre un café. Et puis il y a La Paire, qui pour 1€ vous pose votre porte d'entrée. Jusqu'au 12 septembre, La Paire vous offre la pose de votre porte d'entrée en alu pour 1€ de plus. 1€ la pose. La Paire, vous pouvez chercher. Il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, pratiquement 8h moins le quart, c'était RMC, c'est le week-end des experts. Laetitia, on va parler d'équitation et de nos champions maintenant. Oui, bien sûr. Ah ouais, je pense que voilà, on l'a bien entendu et ça a fait du bon au cœur cet été d'entendre cette musique et surtout de voir nos cavaliers français avoir deux médailles d'or et une médaille d'argent, dont une médaille d'or en équipe pour le saut d'obstacle. Et nous avons avec nous deux invités, d'abord Kevin Staudt, qui est champion olympique par équipe de saut d'obstacle, et Sophie Dubourg, que nous avions déjà reçue cet été, qui est directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord Kevin, c'est à vous que je vais m'adresser. Alors, avec Pénélope Leprévost, Philippe Rosier, Roger Yves Bost, vous avez offert à la France une médaille d'or en saut d'obstacle par équipe. Alors, on refait le film pour ceux qui n'ont pas vu justement les épreuves. La veille de l'épreuve finale, vous étiez seulement cinquième par équipe. Mm-hmm. Le jour de la finale, alors Philippe Rosier s'était lancé, il a fait un sans faute. Vous êtes lancé, vous avez fait un sans faute sur votre cheval rêveur de Hurtebise. Et ensuite, Roger Yves Bost, appelé Bosti, hein, c'est quand même son surnom, qui est sous pression. Alors là, on l'a vraiment vécu, il était sous pression. Il s'était lancé, il a fait un parcours sans faute, offrant la médaille d'or à l'équipe. Alors, comment avez-vous vécu ce moment-là, Kevin? On a l'impression que vous ne réalisiez pas à ce moment-là que vous aviez la médaille d'or. Bah, on était, y avait des personnes sûrement mieux placées que nous pour faire les calculs, à savoir si on allait décrocher vraiment cette médaille d'or ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après le parcours de Bosti, on savait qu'il allait y avoir une médaille. Quelle était la couleur, c'était pas encore complètement défini. Comment je l'ai vécu? Bah, à cheval, on est concentré, on vit le parcours. En couple avec son cheval, donc il y a l'intensité sportive, bien sûr. Mais c'est rien comparé au fait d'être en bord de piste et d'être impuissant face au parcours de nos collègues. Et ça, à vivre, c'est très, très compliqué. Bon, Sophie en parlera mieux que moi parce qu'elle vit tous les parcours de tous les cavaliers comme ça. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est intense, mais c'est beau, mais c'est très, très compliqué à vivre. Sans pouvoir intervenir justement sur le résultat. Ah oui, parce que alors bon, nous en tant que spectateurs, on était sous pression, mais on imagine que vous aussi. Alors, une image superbe, ça a été le tour de piste à cheval, le tour d'honneur, hein, avec vos médailles d'or. Et à ce moment-là, comment vous l'avez vécu? Bah, c'est une célébration. C'est vrai qu'il y avait un public formidable. Les Brésiliens adorent les chevaux, adorent le sport, adorent les sports équestres. Donc c'était super. Il y avait aussi une grosse délégation française qui s'était déplacée sur place pour nous soutenir. Donc ça, c'était génial. Et tous les gens sont restés dans les tribunes. Il faisait assez chaud, mais les gens ont souhaité rester pour célébrer avec nous ces médailles. Et c'est vrai que c'était un super moment. Alors, vous avez dit à propos des chevaux, parce qu'il faut penser aux chevaux aussi, que eux aussi avaient gagné la médaille d'or, qui sont exceptionnels et qui vont marquer l'histoire. C'est vraiment les mots que vous avez prononcés. Qu'est-ce qui rend votre cheval rêveur et les autres d'ailleurs si exceptionnels? Ben, je dirais presque malheureusement, c'est la signification de cette médaille d'or. Nous, en tant que cavaliers, on les trouvait exceptionnels déjà jusque-là, parce que pour avoir fait tout le parcours qu'ils ont accompli, d'être sélectionnés dans de nombreux championnats, dont aux Jeux Olympiques, il fallait qu'ils aient quelque chose de rare. Mais je pense que cette médaille d'or olympique les a rendus exceptionnels aux yeux de tout le monde. Et pas seulement dans nos cœurs. Ce sont devenus des athlètes de légende. Et c'est grâce à ce titre olympique. Mais c'est vrai que pour la plupart des cavaliers, le fait de monter des chevaux de ce niveau-là, c'est une énorme satisfaction. Et forcément, on n'attend pas d'avoir des titres de ce niveau-là pour trouver que nos chevaux sont exceptionnels. Est-ce que quand vous gagnez une médaille comme la médaille d'or, est-ce que les chevaux sont différents? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui s'est passé? Oui. Ils sont conscients que l'enjeu était certainement plus important que d'habitude, qu'ils avaient réalisé quelque chose de rare et exceptionnel. Et même s'ils arrivent peut-être pas à mettre les mêmes mots que nous sur la définition de ce titre-là, en tout cas, ils ont senti que ce jour-là, ils avaient fait quelque chose de rare. Ah oui, carrément. Et alors, on parle de la méthode Stott, votre méthode. Alors, il paraît que c'est d'abord le bien-être des chevaux. C'est vrai. J'espère en tout cas que. Et comment assurer le bien-être des chevaux justement? Je pense à tous les niveaux, c'est-à-dire bien sûr dans la finalité, c'est-à-dire l'équitation en piste. Lorsqu'on est en compétition, essayer d'avoir une équitation plutôt légère, en harmonie avec son cheval, que ce soit dans le mouvement et dans le respect de ce qu'il souhaite faire et accomplir. Et puis après, c'est aussi de manière plus générale tous les soins qu'on peut lui apporter à l'écurie, avec notre personnel, que ce soit les grooms qui s'en occupent, mais aussi tous les cavaliers maison et tous les gens qui assurent un peu l'entretien au quotidien. On a besoin d'une philosophie, ça fait partie de notre philosophie, en tout cas nous, à nos écuries, c'est d'essayer d'amener les chevaux au meilleur niveau, mais en les ayant plus comme complices oui, bien sûr. Que, oui. d'essayer de les vraiment de les soumettre à quelque chose qui est effectivement un peu antinaturel au départ. Ils sautent très très haut, hein. On a vu les obstacles, c'est énorme. Comment vous arrivez à avoir à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? Mais je trouve que ce qui est vraiment honorable dans la compétition aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas d'année en année dans la puissance ou dans la force, dans l'effort, mais on essaye de trouver des parcours plutôt de plus en plus techniques où on va jouer sur des subtilités de couleurs d'obstacles, de légèreté de matériel pour provoquer des fautes, évidemment sans leur faire mal, mais aussi des fautes plus techniques de la relation entre le cheval et son cavalier sur le dressage, la disponibilité, la complicité. Et je trouve que c'est ce qui est formidable dans les sports équestres aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution vraiment très très subtile de notre sport et pas uniquement basée sur la puissance pure. C'est pour ça que d'ailleurs que les épreuves de puissance sont de plus en plus rares, relèvent plus du spectacle, mais que la véritable compétition aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu aux Jeux Olympiques ou ce que l'on voit chaque week-end, avec des parcours très très délicats et des chevaux qui doivent être disponibles à l'écoute de leur cavalier pour justement donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec une concentration extrême, j'imagine. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous débutez votre parcours dans ces cas précis? Au jeu, c'est en tout cas ce qu'on a vécu à Rio. À chaque parcours, on essaye d'obtenir le maximum de son cheval pendant ces parcours-là. Donc quand on entame la compétition, on essaye d'avoir toute son attention. On essaye vraiment d'être... Dans votre bulle avec votre cheval, c'est ça? Tout à fait, en osmose parfaite. Alors, il faut savoir que avant que la compétition commence, comme n'importe quel athlète, il y a une phase d'échauffement où on travaille notre cheval pour l'échauffement musculaire, pour les détails techniques, essayer d'avoir un cheval vraiment disponible, répéter un peu nos gammes, ce que l'on va demander à notre cheval sur la piste. Et une fois que l'on est dans le couloir et qu'on va se lancer dans l'arène, oui, je pense que on va rechercher l'osmose totale, essayer de ne faire qu'un avec son cheval. Et je pense que c'est le rêve de chaque cavalier, c'est de retrouver le côté centaure qui est difficile à obtenir, mais qui de temps en temps, comme notamment là à Rio, on a réussi à obtenir des sentiments exceptionnels. Et c'est ça surtout qui a rendu cette médaille très très belle. Merci Kevin. Merci Kevin. Et encore bravo, hein, vraiment. Hein. Merci à vous et à toute l'équipe de France, bien sûr, pour ces médailles. Alors vous pouvez rester avec nous, hein, Kevin, puisque nous avons avec nous Sophie Dubourg. Donc, je vais écouter Sophie. Directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. qu'on a eu la chance d'avoir juste avant les JO, hein, Laetitia, qui nous expliquait comment on a cheminé des chevaux comme ça de compétition d'un continent à un autre. Et nous expliquait que eux, ils n'avaient pas le jet lag, les chevaux, et qu'ils étaient très habitués aussi. Qu'ils avaient un avion aménagé, etc. Voilà, ils étaient très habitués à aller dans des championnats dans le monde entier. Donc c'était pour eux, quelque chose d'habituel quelque part. Donc nous avons trois médailles. Hein, nous avons eu trois médailles en concours complet par équipe, en saut d'obstacle par équipe. Et ça c'est pour l'or. Et une en argent remportée par Astier Nicolas en concours complet. Est-ce que vous vous attendiez à toutes ces médailles, Sophie? Alors, c'est un bilan formidable. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui, on avait annoncé qu'il était possible d'en ramener quatre. Oui, vous étiez très prudente à l'époque. Oui, bien sûr, bien sûr. On est toujours très prudent, surtout avec ce sport, avec ces animaux, avec la distance, avec tout ça. Une médaille équipe dans la discipline de l'obstacle et du complet était tout à fait faisable. Et on avait même rêvé de médailles individuelles, puisqu'on avait des couples très aguerris. On en ramène trois, dont deux or. Moi, ces deux médailles équipes sont si fortes et si symboliques que, bien sûr, je ne pouvais pas espérer mieux. Mmh. Voilà. Alors, encore un peu plus en individuel, parce qu'on est toujours gourmand. On a eu quelques déboires avec deux couples, notamment dans l'équipe de saut d'obstacle. Je pense que tout le monde a suivi l'histoire du forfait de Simon Delestre et de Ryan et de la chute de Pénélope. Et la chute de Pénélope, ça fait mal. Elle a écarté terrible. De la course individuelle, mais qui a su être si forte dans cette équipe et ramener autour de son cou aussi la médaille d'or par équipe. Donc voilà, donc bien sûr, bilan très, très, très, très positif. Je voulais juste rajouter un petit mot sur la méthode Kevin Stout dont vous avez parlé, oui. Dont il a parlé, et qu'il est bon de noter que ce cavalier-là, avec ce cheval, Rêveur de Hurtebise, a fait il y a 2 ans les championnats du monde, est vice-champion du monde, a fait les championnats d'Europe l'année dernière sur une très belle finale avec un double sans faute, et cette année qui est médaillé olympique. Donc c'est aussi réussir dans la longévité de la carrière du cheval, quelque chose d'extraordinaire. Dans 2 ans, en 2 ans, 2 années, 3 années de compétition, de championnat international, inscrire à chaque fois ce cheval-là et le ramener médaillé. Mmh. Et cette année, champion olympique, un cheval qui a 15 ans maintenant, montre que quand on s'attache aussi au bien-être, au moral et à l'intégrité physique de son cheval, on peut utiliser, entre guillemets, longtemps c'est chaud et dans un sport qui est très exigeant. On espère que le cheval va rester en France parce que là sa cote augmente. Mais bien sûr, on en est sûr. Les chevaux olympiques, ils vont être très demandés, n'est-ce pas? Alors les chevaux olympiques, ils sont surtout très demandés quand ils ont la dimension olympique dans l'année qui précède les Jeux olympiques. Hein. On sait que les chevaux sont très fragiles. 4 années, c'est très long. Voilà, donc on s'en inquiétera plutôt en fin 2018, début 2019. Alors moi, ce que j'ai regretté, Sophie, pendant ces jeux, parce que je suis bien sûr intéressée par toutes les disciplines équestres, c'est qu'on a eu que les sauts d'obstacles en différé, retransmis sur les chaînes nationales et pas les autres disciplines. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ça va justement, ces médailles vont justement avoir un effet positif, populariser encore plus ces disciplines? Bien sûr. Ben pour moi, c'est un des principaux objectif qu'on doit avoir, et j'espère s'être tombé là, parce que c'est un sport formidable. Quand on entend Kevin en parler, il y a toute la dimension, la relation avec l'animal, en plus du sport de 2 athlètes qui se dépassent, qui doivent intéresser tout le monde, petits et grands. Ce sont de très belles images. Alors on est encore trop peu connu, en tout cas dans notre sport de haut niveau. On a une discipline qui est très belle, qui est celle du dressage, qui est assez facile à comprendre, qui peut être bien commentée, bien animée, et qui est très très jolie, où vraiment l'animal, les allures de l'animal sont tout à fait. On a le concours complet avec le test de crosse, qui est aussi très spectaculaire. Donc on espère, oui, que ces jeux aura mis ça en avant. On a aussi une chaîne spécialisée qui l'a fait et qui a retransmis toutes les épreuves sans tâche du premier concurrent jusqu'au dernier, voilà, qu'on félicite et qu'on remercie. Mais c'est vrai que les grandes chaînes publiques ou la presse généraliste, on a un petit peu de mal à faire entendre, en tout cas parler de nous. Oui. Voilà, et espérons que pour les prochaines compétitions, vous soyez de plus en plus médiatisés. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, et puis juste pour préciser que Rio, c'est pas terminé pour les chevaux français, puisque il y a les Jeux paralympiques. Il y a les Jeux paralympiques, voilà. De 4 cavaliers, hein, c'est ça? C'est ça, de 4 cavaliers avec des handicaps différents et des reprises. Alors, ce n'est que du dressage, que des mouvements de reprise imposés selon les niveaux de difficulté, les grades dans lesquels ils sont classés. Il existe 4 grades. Aujourd'hui, on a 2 cavaliers en grade 1, qui est le grade avec un handicap le plus lourd, le plus important. Mmh. Et puis un cavalier en grade 2, un cavalier en grade 3. Et ensuite, on a un classement aussi par équipe. Donc, dans les mêmes conditions, dans le même village olympique, sur le même site, voilà, du 7 au 14. On suivra ça de près. Merci beaucoup, Sophie. Et on a nos chances, hein, Sophie, il faut évidemment le dire. Merci beaucoup Sophie Dubourg et Kevin Stout. Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo LOLCAT. Alors c'est une petite sélection de vidéos de chats qui justement sont devant la télé. Regarde les Jeux olympiques. Ah oui, parce qu'on voit toujours les chiens regarder les. Mais il y a des chats aussi qui adorent ça. Mais les chats aussi s'intéressent aux Jeux olympiques. Bien sûr. Retrouvez ces petites vidéos, cette petite sélection de vidéos sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur J'aime. Laetitia, on sera là dimanche prochain. Oui, comme tous les dimanches de cette année, je vous embrasse bien fort. Bon dimanche à tous. Bon barbecue pour ceux qui en font un. Et dans un instant, ce sera Jean-Luc Moreau qui nous rejoint pour 2 heures dédiées à l'automobile. À tout de suite après la météo, les infos. Le week-end des experts sur RMC, Vos Animaux. François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, François Fillon. RMC, Bourdin direct, 6h-10h. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités.